Auditrice, auditeur, électrice, électeur, abstentionniste, démocrate ou non, soyez les bienvenus sur les ondes de RFM en ce dimanche 7 mai 2017, en direct sur la radio d'égalité et réconciliation et sur le YouTube Live de RTV pour suivre avec nous le résultat de l'élection présidentielle française. Chers auditeurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter d'un prime abord la configuration exceptionnelle de cette soirée. Je suis Pierre Debrague à l'animation, accompagné de Xavier, de la rédaction de Faits et Documents. Bonjour. Xavier, bonjour à toi, comme dirait Vincent Lapierre. Avec nous, présent dans le studio d'égalité et réconciliation, Youssef Indy. Bonjour. Messieurs, bonjour. Je précise à nos auditeurs que d'autres invités vont nous rejoindre tout au long de la soirée, notamment Alain Soral, Damien Viguier, Félix Nisch et d'autres. Nous allons également joindre par téléphone diverses personnalités comme Jacob Cohen, Stéphane Blé et d'autres surprises pas piquées des hannetons pour ainsi dire, pour recueillir les impressions de ces derniers sur les résultats. Et le fil rouge comme dans Interville, le commandante de RTV, Vincent Lapierre, en duplex dans Paris, qui sillonne tout Paris à la rencontre des Français. On le retrouvera notamment au QG d'Emmanuel Macron, peut-être à la rencontre de militants frontistes et en fin de soirée certainement à la Rotonde, en compagnie de Jacques Attali, Brigitte Macron et d'autres, en train de déguster une pâte de homard ou de foie gras. Vincent Lapierre d'ailleurs, que nous allons retrouver tout de suite pour un messieurs, si vous me le permettez. Nous allons appeler tout de suite notre reporter sans frontières. Vincent, est-ce que tu m'entends ? Oui, Pierre, je t'entends. Eh ben, Vincent, où es-tu ? Eh ben, écoute, Pierre, chers invités, chers auditeurs, je me trouve ici à l'esplanade du Louvre, où un déploiement policier très impressionnant a été mis en place. Alors, une foule également très importante se trouve ici rassemblée pour manifestement fêter la victoire, ce qui semble être une victoire d'Emmanuel Macron. Alors, je vais m'approcher de la queue de gens qui attendent avant de rentrer dans l'esplanade pour poser quelques questions. Est-ce que je le fais maintenant, Pierre, ou est-ce qu'on attend que l'émission avance ? Quelle est l'ambiance générale ? Ah, l'ambiance générale, écoute, je sens une foule plutôt confiante, sûre d'elle-même, rassurée d'avoir su éviter le pire, éviter l'extrême droite au pouvoir en France. Donc, c'est une foule contente. Est-ce que tu as une interview là, précise ? Alors, écoute, je vais m'approcher de deux jeunes hommes. Bonjour, messieurs. Ah. Vous êtes en direct sur RFM. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Vous allez assister au... Ah non ? Non, vous êtes là en observateur ? Oui. Hein. Non, même pas. D'accord, mais vous avez voté ou pas aujourd'hui ? Non, vous n'avez pas voté. Non, et pourquoi ? C'est des intérêts pour la politique française. Aucun espoir. Ça vous dérange pas de laisser passer des Macron au pouvoir en France ? Non. Comme non. Ça me dérange pas un Le Pen. Ah, Le Pen, ça vous dérange pas non plus ? Pour ce que ça me fait, moi. En fait, ça vous en foutez quoi ? Clairement. Ah ok, d'accord, clairement. C'est intéressant. Merci beaucoup messieurs, bonne journée. Bon, comme tu as pu le voir, là, je suis tombé sur deux personnes qui s'en foutaient totalement alors qu'ils sont dans la foule. C'est assez intéressant. Okay, alors je m'approche d'un couple. Vas-y. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes en direct sur ERFM. Alors madame ne veut pas parler, mais vous monsieur, je sens que vous allez parler. Bon. Dites-moi, alors vous allez assister à la victoire d'Emmanuel Macron ici, place du Louvre. Je sais pas, hein, mais vous espérez ? On espère bien, oui. Ouais, vous êtes confiant ? Oui. D'accord. Vous-même, vous avez voté aujourd'hui ? Oui. D'accord. Donc j'imagine que vous avez voté pour Macron. Bien entendu. Pour quelle raison, dites-moi ? Parce que quoi qu'il arrive, en face de Le Pen, je voterai toujours contre Le Pen. D'accord. Qui que ce soit en face de Le Pen, vous voterez pour... D'accord. Et pour quelle raison ? Pourquoi pas Le Pen ? Ouf ! C'est son histoire, l'histoire de sa famille, c'est impossible pour moi. Ouais. Genre, elle a beau cacher son jeu depuis des années, moi, je me laisse berner par cette personne. Qu'est-ce qu'elle ferait, Le Pen, si elle était au pouvoir, selon vous ? Ah, certainement rien du tout de ce qu'elle dit déjà. Ah, d'accord, donc elle dit des choses bien. C'est une forme d'arrière-pensée. Vous cherchez un piège, vous ? Non, pas du tout. Mais vous pensez donc qu'elle a une arrière-pensée, qu'en fait, derrière son beau discours, elle veut rétablir les camps de concentration ? Je pense, pas jusque-là non plus, mais je pense qu'elle dit réellement ce que certaines personnes veulent entendre. C'est comme ça qu'elle a réussi à berner une bonne partie de la population, à mon avis. D'accord, donc Macron, c'est une bonne nouvelle ? Meilleur, en tout cas. Meilleur, mais pas forcément bonne pour la France, malgré tout. Parce que c'est quand même dans la continuité de François Hollande. Vous avez aimé les 5 années de François Hollande, vous les avez appréciées ? Pas vraiment. D'accord, bah donc c'est contradictoire. Pourquoi ne pas s'abstenir dans ce cas-là, limite ? Parce que je vous l'ai dit, moi, Le Pen, c'est hors de question. D'accord. Ça passera pas. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Donc voilà, Pierre, deux petites interviews, j'en ferai davantage tout à l'heure. Écoute, donc on l'a vu, hein, des gens qui... Oui. On te remercie d'avoir pris le pouls des citoyens et de la politisation des Français. On te rappelle tout à l'heure, effectivement. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bonne émission. Merci. Alors messieurs, avant de vous donner la parole, et notamment Youssef Indy, parce qu'il me semble que tu parles le premier, Youssef, je me tourne vers toi, Xavier. Xavier, est-ce que tu peux nous faire un topo peut-être sur les premières estimations et aussi sur les tout récents Macron Leaks ? Alors c'est deux choses très différentes. Alors les premières estimations qu'on a sur Internet donnent Macron dans une tranche quand même relativement haute. On se dirige vers du Macron 62,5, Marine Le Pen 37. Donc en dessous des 40, largement en dessous des 40% Marine Le Pen et Macron une victoire confortable. Youssef, qu'est-ce que ça t'inspire ? Première chose, le chiffre par rapport à Marine Le Pen, premier constat, c'est que Marine Le Pen a échoué à faire du Front National. Le véritable parti d'opposition a fédéré autour du Front National un nombre critique d'électeurs et a ainsi impulsé une dynamique anti-système. Donc elle a, peut-être à cause de son dernier débat avec Macron, elle a fait passer le Front National d'un parti d'opposition à un parti de contestation. Je pense qu'elle a vraiment, elle a ramené le Front National 10, 20, peut-être 30 ans en arrière. Bon, on va revenir sur le débat tout à l'heure. C'est peut-être un peu radical. On se lâche ce soir. Et donc, Xavier, sur les Macron Leaks, alors Que sont les Macron Leaks ? Alors, les Macron Leaks, c'est un certain 9 gigas de fichiers internes à la campagne d'Emmanuel Macron qui ont donc fuité sur Internet vendredi soir. 9 gigas principalement constitués de mails de 6 personnes de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Alors c'est comme toujours, c'est un peu le coup des fraises de Grouchy, quoi. C'est-à-dire vendredi soir, c'est peut-être un peu tard. Alors ça confirme. Alors, comme tout le monde, je les ai téléchargés, j'ai regardé un petit peu. Alors c'est énorme en termes de données, avec beaucoup de déchets évidemment, comme souvent dans ce genre de piratage. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on voit très bien qu'autour de Macron, son équipe. C'est cette génération qui a fait cette génération née en 70 qui a fait Sciences Po à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui cette génération de techno, de hauts fonctionnaires qui est en train d'arriver, qui est en train de monter, ils sont très unis et qui ont pour modèle principalement le prof d'économie qu'ils avaient à Sciences Po, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn. Et le président de Sciences Po à l'époque, Richard Descoings. Et on voit vraiment que c'est une conjuration, qu'ils sont très soudés et qu'eux pensent pouvoir prendre pleinement le pouvoir après l'élection d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, on voit leur correspondance par mail, alors la moitié des mots sont en anglais. Est-ce que tu as fait le call avec Emma? Thanks. Les mails se finissent par bise. Enfin, on sent qu'il y a une forte proportion d'homosexuels. Ils sont tous libéraux, libertaires. Et si vous voulez, ils sortent vraiment d'un moule. C'est-à-dire que l'idéologie qu'ils portent est pour eux une évidence, c'est une foi. Je pense que c'est ce qui les rend extrêmement dangereux. Je pense que c'est ce qui les rend extrêmement efficaces, extrêmement performants. On sent une très grande détermination à les lire. C'est très intéressant. Alors, ce qu'on voit aussi dans les Macron Leaks, c'est évidemment comment sont choisies les investitures des gens qu'on va nous présenter comme le renouvellement de la vie politique. Donc c'est intéressant. Alors on voit les gens qui sont à la manette pour recruter ces nouveaux profils, ce qui vont être forcément les nouveaux députés macronistes, le renouvellement de la vie politique. Donc c'est Alain Tourret qui est un socialiste ratsoc, et puis Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, et puis ancien ministre chiracien, gros franc-maçon, et on voit que l'un recrute à droite et puis l'autre recrute à gauche, et on va avoir des profils finalement très sélectionnées. Alors je vais prendre un exemple. Dans les mails, on trouve par exemple une candidature qui est présentée comme un profil intéressant. Donc on peut penser qu'elle va être investie pour une circonscription. Donc quand on tape le nom de la personne que je ne connaissais pas sur Internet, on nous la présente comme une jeune start-upeuse dans le domaine des énergies renouvelables. Et quand on regarde dans le mail, il y a son CV qui est joint. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'elle a été à Sciences Po avec eux, qu'ensuite elle a été assistante parlementaire de Strauss-Kahn, qu'elle a été recrutée au Conseil régional d'Île-de-France et qu'ensuite elle a effectivement créé une start-up dans les énergies renouvelables qui a pour client le Conseil régional d'Île-de-France. Vous voyez, donc ça va être un espèce de faux renouvellement sous contrôle principalement des loges, je pense, en province. Et puis pour ce qui est de Paris, bah, ça va être le petit réseau que je viens de vous décrire. Alors, est-ce que ces gens-là représentent finalement les enfants de la génération d'avant ? C'est vraiment ça ? C'est à la fois... Non, parce qu'en vérité, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que... ils sont ultra minoritaires, ultra marginaux. Pour bien comprendre comment ces réseaux-là se sont structurés, il faut bien se rappeler de la personnalité donc de Richard Descoings, un peu une folle cocaïnomane avec une double vie, une relation avec le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Et tout ça a été décrit et très très bien décrit par cette journaliste du Monde dans un livre qui s'appelle « Richie ». D'ailleurs, la journaliste du Monde a été mise plus ou moins dans un placard après la publication de ce livre. Et on voit vraiment la structuration de ces réseaux de hauts fonctionnaires sur quelle est leur idéologie, quelles sont leurs mœurs et ainsi de suite. Donc on pensait qu'Emmanuel Macron était le résultat le fruit de l'UMPS, de Sarkozy, de Hollande, c'est peut-être plus Dominique Strauss-Kahn et Richard Descoings. Si vous voulez, c'est pas forcément ça la question. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens disent c'est une créature d'Attali. Oui, c'est une créature d'Attali dans la mesure où c'est le fait d'avoir intégré la commission Attali qui l'a vraiment mis sur orbite. Mais c'est aussi une création de Jean-Pierre Jouyet qui est tête de pont des réseaux américains en France via l'Aspen Institute, qui l'a repéré d'ELENA. Le classement d'ailleurs de la promo, c'est d'Arsangor prête à confusion. Il me semble qu'il a été invalidé par le Conseil constitutionnel, ce qui est, à ma connaissance, une première. Donc, on voit vraiment qu'il a été couvé dans tous ces réseaux-là. Voilà. Et puis, il est à la tête donc, de cette génération. Donc, je parlais de la promo Cédar Sangor. Il y a eu un article un peu de complaisance dans Vanity Fair, comme souvent les articles dans Vanity Fair, pour présenter toute cette nouvelle promo. Donc, c'est ces gens qu'on va voir arriver très, très vite. Et je pense qu'on y reviendra sur ER. Et pour finir sur les Macron Leaks, est-ce qu'ils peuvent avoir une incidence ? Et quelles conséquences pour l'élection ou pour les semaines qui suivent ? A priori. Non, je ne pense pas qu'il y ait forcément d'influence. C'est juste du renseignement. Non, je ne vois pas. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Ça reste des mails quand même professionnels, puisque c'est les mails à l'intérieur de En Marche. Voilà, donc ça permet de confirmer des choses qu'on savait, d'approfondir certaines choses, de voir les profils psychologiques, de se faire une idée de comment fonctionnent ces gens-là au plus près. Alors c'est vrai qu'à regarder ça, il y a un petit côté Stasi, la vie des autres. Tu sais, tu suis les mails du type au jour le jour. Qui a un petit côté malsain, mais bon, de toute façon, toutes les organisations aujourd'hui sont soumises à ça. C'est une donnée aujourd'hui du débat public. Le Grand Orient a été piraté. Égalité et Réconciliation a également été piraté. La CFDT, enfin, personne n'échappe aujourd'hui à ce genre de procédé. Et c'est une donnée nouvelle. Très bien, très bien. Youssef, toi qui travailles sur la République française notamment, et la mystique de la laïcité, que t'inspire ? Qu'est-ce que ça dit de la France, cette élection présidentielle ? Alors, ça dit plusieurs choses. Comme l'a dit Xavier, on voit que derrière Emmanuel Macron, il y a la conjonction de tous les lobbies qui représentent l'oligarchie et l'idéologie mondialiste. Il y a le lobby gay, je pense que tu ne me diras pas le contraire, Xavier. Ça paraît assez évident. il y a l'oligarchie financière, il a aussi derrière lui le, le grand rabbin de France qui a appelé à voter pour lui. Et ce que disait le grand rabbin de France, c'est que le vote Macron était un vote pour, en quelque sorte, soutenir la République. Donc on peut voir Emmanuel Macron comme, pour l'oligarchie, le candidat qui va maintenir cette République qui est en cours d'effondrement sur la France, parce que c'est un corps étranger qui depuis 1789 s'accroche à la France et qui maintient, comme on l'a vu avec les débuts de la Troisième République, la France sous la domination de la banque et de la finance. Dès les débuts de la Troisième République, on a vu des scandales financiers mêlant des dirigeants de la Troisième République et des hommes de la finance et de la finance juive, il faut le dire. Il y avait des financiers juifs mêlés à ces affaires. À la veille de l'effondrement de la Troisième République, on a eu aussi encore des scandales financiers. Et c'est à cause de cette corruption qui est consubstantielle, en fait, quelque part, à la République, que la Troisième République a fini par tomber. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est exactement la même situation que dans les années 30, c'est-à-dire une corruption, une délégitimation du pouvoir, une instabilité des partis politiques, un affaiblissement des partis politiques et des scandales financiers qui éclatent les uns après les autres. Donc, Macron, c'est le candidat de l'oligarchie financière et de la République finissante, en quelque sorte. Mais j'aimerais dire autre chose. Je parlais avant l'élection d'un système monopode et bicéphale, c'est-à-dire monopode sur le plan idéologique, libéral, libertaire, tout ce qu'on veut, et bicéphale avec l'UMP et le PS de l'autre. C'est-à-dire que c'est le même tronc avec deux têtes. Et ce qui simplifie les choses, et surtout pour nous, c'est qu'avec le premier tour de cette élection, on n'a plus qu'un parti monopode et monocéphale, c'est-à-dire la fusion terminale et définitive de la droite et de la gauche de l'oligarchie, avec un candidat transparent, parce que derrière Macron, on ne le voit pas. Enfin, en tant qu'analyste, on ne le voit pas. Tout ce que je vois, moi, directement derrière lui, c'est Alain Minc, c'est Rothschild, c'est Goldman Sachs, c'est Jacques Attil, etc. Donc, ça va nous simplifier la tâche à nous, si on reprend la catégorie schmittéenne, de désignation de l'ennemi. Il va être beaucoup plus simple pour nous de désigner l'ennemi. Sauf que là où, si je peux me permettre de mettre un bémol, c'est que les gens que tu décris ont parfaitement prévu ça. Et donc, Jean-Luc Mélenchon aura précisément ce rôle de béquille pour éviter la montée du Front National en incarnant une opposition qu'il incarne d'ailleurs très bien, très bon orateur, mais qui est intégralement faussée, puisque Jean-Luc Mélenchon, on l'a rappelé plusieurs fois, est intégralement partie prenante. Mais alors, un bémol à ton bémol, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, Mélenchon a immédiatement appelé à voter François Hollande sans condition, mais là, il apparaît tellement clairement que Macron est le candidat de l'oligarchie, que Mélenchon a dû faire des circonvolution dans tous les sens pour appeler à voter pour lui sans vraiment appeler à voter pour lui. C'est-à-dire que même oui, lui est dans une position délicate. Il est intelligent. S'il dit j'appelle à voter Macron, il se saborde. Mais bien sûr. Là, il va pouvoir exister en disant je n'ai pas appelé à voter Macron. Oui, mais de toute manière, on voit. C'est le coup du troisième tour social qui nous faut. Bien sûr. Des années. Mais si on analyse sur le long terme, on voit une crise des partis, une crise de régime. Et ce que je pense, ce que j'attends, est-ce que j'espère aussi, alors quelle est la proportion d'espérance et d'analyse, je ne le sais pas, je ne suis pas juge de moi-même, mais c'est un effondrement du régime, une implosion, parce que ce régime connaît une crise grave des institutions, et pas seulement la République française, à l'échelle européenne aussi, il y a une crise des institutions et il y a une crise générale. Et le côté positif de cette élection, c'est que si le système implose sous la présidence de Macron, ce sera pour une fois les véritables responsables qui en porteront la responsabilité. Car comme je le disais encore il y a quelques jours, c'est une tradition républicaine que de faire porter le chapeau à ses adversaires. J'ai donné deux exemples, je les redonne ici pour ceux qui ne m'ont pas entendu. En avril 1792, les Girondins déclarent la guerre à l'Autriche, puis font porter le chapeau à Louis XVI, qu'ils envoient à la guillotine. À la fin des années 30, les Républicains sont responsables de la destruction de leur propre République, et lorsqu'ils déclarent la guerre, et que la débâcle advient à cause d'eux, ils votent les pleins pouvoirs à Pétain. Donc Pétain a, aux yeux de l'histoire, au regard de l'histoire, porté la responsabilité de l'effondrement du régime, de la débâcle, de la défaite, de l'occupation et de la collaboration. Et si Marine Le Pen avait été élue et qu'on avait connu une crise, une débâcle façon 2017-2018, comme je sais pas, un effondrement financier ou une explosion de l'euro, ça aurait été le Front National et Marine Le Pen qui auraient porté la responsabilité. Donc je pense qu'à la veille d'une implosion, il vaut mieux que ce soit Macron et son oligarchie, l'oligarchie, qui se prennent tout ça en pleine face. Mais Xavier, Jean-Luc Mélenchon, justement, s'est prononcé, et il s'est porté candidat pour être indirectement pour être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ce qu'il dit. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Justement, non, il dit ça, c'est du bluff, voilà. Mais ce qu'il espère, c'est pouvoir animer une aile gauche du Front Républicain, où Emmanuel Macron recyclera vraisemblablement l'aile la plus recentrée de l'UMP, une bonne partie du Parti Socialiste, et puis à ce moment-là, Emmanuel Macron va avoir un espace politique qui sera celui de Tsipras, de Podemos, de tout ça. Alors cela dit, je pense que malgré tout, la problématique de l'immigration en France est telle que je pense qu'elle pose un frein à ce genre de populisme d'extrême gauche. Mais bon, lui il est valable, il va être à la tête d'une vraie force politique, il va vraiment exister. De là à devenir Premier ministre, ça me semble quand même compliqué. Alors qui pourrait être Premier ministre d'Emmanuel Macron? On a des pistes déjà, je sais que les noms de François Bayrou ou Parizeau même ont été évoqués. Laurence Parizeau apparemment c'était vraiment du sérieux, puis comme elle... Comme elle s'en est vantée trop tôt dans la presse, ça capote un peu. Je pense que comme ça va être un gouvernement de symbole, il faut que ce soit une femme. Christine Lagarde parle anglais, parce que c'est, faut bien comprendre que c'est fini les hommes politiques français qui parlaient pas anglais, qu'on a eu jusqu'à Nicolas Sarkozy ou même Hollande. Même Hollande. Là, ils sont tous anglophones parfaitement, donc c'est... Voilà, on est dedans et ça va être... non, pourquoi pas Christine Lagarde, je sais pas du tout. En vérité, personne ne sait. Voilà, mais bon. Ok, bon, on va voir ça, on va suivre ça dans les semaines qui viennent. Messieurs, le débat de cette semaine, le débat de l'entre-deux-tours, a-t-il pesé, d'après vous, dans cette élection? À mon avis, ça a dû faire perdre au moins 5 points à Marine Le Pen. Parce que là, vraiment, elle avait une chance de véritablement montrer qu'elle avait une posture présidentielle, qu'elle dominait son adversaire. Là, elle a fait tout le contraire. Enfin, bon, ça a été analysé des dizaines de fois, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la catastrophe de ce débat a fait perdre au moins... Alors j'avais dit il y a 2 semaines, lors de la soirée électorale, que si elle fait 40%, là déjà, elle est bien, elle aura beaucoup de chance si elle atteint les 40%. Je pense qu'elle aurait pu les atteindre si elle n'avait pas commis cette erreur monumentale. Enfin, catastrophe. Et là, elle est en train de le payer, en quelque sorte. Mais il y a, au-delà de cela, sa position, sa stratégie vis-à-vis de Macron a été catastrophique. Mais Alain Soral a déjà exposé ça. Bien sûr. 3 jours. Xavier, le débat t'a inspiré? Le débat, c'est compliqué parce que il aurait fallu qu'elle le montre tel qu'il est, et c'est lui qui l'a montré tel qu'elle est, quoi. Et je pense que tout le monde a pu constater ce qu'on appelle un naufrage. Alors, est-ce qu'au bout d'un moment, elle a pas été en manque de nicotine? Est-ce que c'est pas tout simplement des choses aussi simples? Elle n'avait pas l'air d'être elle-même. Voilà, puis au bout d'un moment, elle s'est adressée à sa base militante, alors que c'est le moment où il faut élargir. Enfin bref, je pense que tout le monde a à peu près vu la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelque chose qui m'a frappé pendant ce débat, d'un point de vue formel, c'était le mimétisme d'Emmanuel Macron avec le Sarkozy de 2007. J'ai vraiment eu l'impression de le retrouver dans les postures. Ça, c'est parce qu'ils doivent prendre les mêmes produits, Valls, Sarkozy. Je pensais que c'était les mêmes coachs de communication. Non, c'est une histoire de. C'est même un coach. Non, mais c'est les mêmes effets secondaires. On parle de compléments alimentaires, bien sûr. Oui, voilà. Oui, c'est du quinoa. Oui, voilà, les mêmes plantes. Et, alors, Emmanuel Macron, qui s'est revendiqué dans le débat, mais il l'avait fait auparavant, qui s'est revendiqué gaulo-mitterrandien. Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que ça vous a choqué? Ça, c'est intéressant parce que c'est une formule de Védrine. Qui fait mouche. Qui désigne la politique étrangère de la France telle que l'ont réécrit les Mitterrandiens, c'est-à-dire comment les Mitterrandiens se sont inscrits après coup dans la continuité de De Gaulle. Puisqu'on se rappelle que Mitterrand est allé en Irak en 91 sans problème. Donc Gaulle Mitterrandien, c'est déjà un habile langage. Ce qui est intéressant, c'est que la formule est de Védrine, qui était plutôt le tenant d'une ligne traditionnelle pro-arabe, du Quai d'Orsay, jugée pro-arabe par les sionistes, mais qu'on peut aussi considérer tout simplement comme équilibrée. Et qui a à peu près tenu, d'ailleurs, Chirac. On pourrait presque dire plutôt gaulo-chiraquienne que gaulo-mitterrandienne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Védrine a animé pendant la campagne des espèces de collectifs, des réunions, ainsi de suite, qui ont débouché sur un soutien à Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit des gens comme Villepin, des gens comme Védrine rejoindre Macron alors qu'on les avait connus dans des prises de position beaucoup plus courageuses, qui nous avaient habitués à mieux. Et là, on peut se poser vraiment une question, c'est la question de comment les gens sont tenus. C'est-à-dire pourquoi les gens apportent leur ralliement à Emmanuel Macron alors que c'est pas du tout une évidence et qu'à la limite, ils n'auraient pas besoin de le faire. Si Marie-France Garraud apporte son soutien à Marine Le Pen, pourquoi pas Dominique de Villepin, qui a dit non aux États-Unis en Irak, en 2003, il peut bien dire non à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que tous ces gens-là sont tenus clairement par des affaires de vie privée, qui relèvent de la vie privée. Et il faut comprendre que pendant cette campagne, la personne chargée de la communication d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Michel Marchand, et la personne qui alimente Closer, qui alimente Voici, qui alimente Gala, qui alimente Paris Match. Et ça pose quand même un vrai problème quand on voit toutes les unes de journaux qui ont été faites, qui ont été produites pour nous vendre, avec des photos retouchées en plus, pour nous vendre le couple Macron, et qu'on sait que les mêmes qui produisent ces unes-là sont les mêmes qui ont balancé tous les dossiers sur Fillon, son attaché parlementaire qui avait oublié son bracelet dans la chambre, ainsi de suite, qu'on sortit l'homosexualité de Philippot, qu'on sortit les photos de Marine Le Pen en maillot de bain. On se dit qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème, et on peut se demander si dans l'opération Macron, il n'y a pas eu une opération de chantage massif sur la classe politique quant à des affaires de mœurs. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi également du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan durant cet entre-deux-tours ? Est-ce que ça a pesé ? Ça a pesé 4,7, quoi. Mais ça aurait pu peser si Marine Le Pen avait réussi aussi son débat. Mais là où c'est plus intéressant sur le long terme, beaucoup de gens l'ont dit, c'est que Nicolas Dupont-Aignan a fait sauter une digue et il a apporté une certaine valeur ajoutée gaulienne et irréprochable. L'autre jour, j'avais commenté le commentaire d'Asselineau qui disait Nicolas Dupont-Aignan est passé à l'extrême droite. Non, en fait, c'est le contraire. C'est que si on voit la sociologie électorale du Front National depuis une dizaine d'années, on voit que c'est passé du bastion l'est de la France à forte population immigrée, au centre de la France qui est le bastion historique de la Révolution française et de la gauche. Donc en fait, le Front National a basculé vers le centre de gravité républicain, et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan ne signifie pas son basculement à lui vers l'extrême droite, mais plutôt le basculement définitif du Front National vers le républicanisme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. C'est vrai que durant cette campagne, on a notamment pas mal parlé du géographe Gulli, qui évoque le fait qu'il y aurait effectivement deux Frances, c'est ça. Et la France urbaine, périurbaine, etc. etc. Est-ce que c'est une analyse correcte d'après toi ? Alors, je ne suis pas géographe ni même sociologue, mais ça se recoupe si on reprend la sociologie de longue durée. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir, beaucoup l'ont dit, à une sorte de lutte des classes. Ouais, nouvelle lutte des classes. On voit en fait l'électorat de Macron est déjà en gros l'électorat du Parti Socialiste, donc beaucoup de fonctionnaires, même de hauts fonctionnaires, des cadres supérieurs. Et ce sont des gens qui n'ont pas une véritable conscience de classe, parce que les cadres supérieurs se voient, alors qu'ils font partie de la bourgeoisie moyenne, petite bourgeoisie, bourgeoisie se voient comme des grands bourgeois. Et donc, ils pensent voter pour une oligarchie à laquelle ils croient appartenir. Mais ils vont bientôt déchanter, parce que ça va leur coûter très cher. Autre chose, oui, alors il y a les deux Frances. Il y a la France périphérique, donc éloignée des villes, qui vote pour Marine Le Pen, mais aussi la France historiquement industrielle, qui a été désindustrialisée. Ceux qui ont perdu leur emploi, les paysans, les agriculteurs, enfin surtout les paysans, votent pour Marine Le Pen. Et on a vu, j'avais dit ici il y a deux semaines, que la progression de Mélenchon devait correspondre à une captation de sa part d'une partie de l'électorat ouvrier de Marine Le Pen. Ça a été confirmé, j'ai pu voir les cartes ces derniers jours, mais ce n'est pas tout à fait la même catégorie ouvrière. Ce sont des ouvriers qui n'ont pas perdu leur emploi et qui ne sont pas dans des zones où la désindustrialisation a été la plus violente. D'accord. Donc on a quand même un électorat de Mélenchon qui est massivement fonctionnaire, donc des gens dont l'emploi n'est pas menacé, comme les électeurs du Parti Socialiste. Et donc les électeurs du Front National, ce sont les premières victimes de la mondialisation, de la globalisation économique et de l'action à long terme de cette oligarchie qui vient de prendre le pouvoir, définitivement, mais temporairement. Tout dépend du point de vue. Tout dépend du point de vue. Si on est optimiste, c'est temporaire. Définitivement ou temporairement. Voilà. Alors on va continuer dans la sociologie électorale. Que penser justement des électeurs de Mélenchon ? Est-ce que se seront-ils ce soir abstenus en majorité ? Se seront-ils reportés pour Macron ? Certains auront-ils franchi le pas de voter Marine ? Est-ce qu'on a des estimations là-dessus ? Non, il n'y a pas d'estimation, mais je pense que ce sera certainement aux alentours de deux tiers abstention ou nulle, et puis un tiers abstention, un tiers Macron, un tiers Marine Le Pen. Un tiers Marine Le Pen, c'est beaucoup quand même. Non, c'est 15% d'électorat de Mélenchon, il y a quelques jours, allez voter pour Marine Le Pen. Il y a un tiers de vote blanc et un tiers d'abstention. Donc on voit que la posture de Mélenchon est une posture qui est difficilement tenable, puisque le gros de son électorat ne veut pas de Macron. Donc il y a un vote d'adhésion à Macron qui est très faible, et ça va se ressentir lors des législatives. De toute manière, Macron ne pourra avoir de majorité qu'en faisant des traficotages, en faisant passer des types de droite et du PS dans son camp, mais il n'aura pas d'assises sociologiques importantes. C'est ce que dit Ruffin de Nuit Debout, dans un article du Monde qui a été relayé, je crois, sur le site. Qui va peut-être jouer un rôle dans les années à venir. Lui. Où il dit « Emmanuel Macron est haï ». Et il suffit d'aller sur les marchés, de discuter avec les gens trouvent extrêmement bizarre cette relation avec Brigitte, trouvent extrêmement bizarre sa façon de se comporter, c'est vrai qu'il est arrogant, il y a quelque chose il fallait vraiment que Marine Le Pen se laisse apparaître comme un repoussoir pour lui assurer une telle victoire. Donc avant mon départ, peut-être un petit peu de prospective, c'est que compte tenu du contexte politique, économique, français, européen, et compte tenu de la faible assise politique de Macron, on peut prévoir que Macron ne terminera pas son mandat et que ça risque de se terminer très mal pour le système politique français et pour Macron. Je ne le vois pas arriver jusqu'en 2020. Alors, on ne voyait pas Hollande terminer son mandat, il est arrivé au bout, en tirant la langue. Vas-y, Xavier, vas-y. Non, c'est confirmé que Magic System animera la soirée d'Emmanuel Macron. Ah, une info de première main. Un gaou à l'Elysée. Chers auditeurs, nous sommes de retour en direct sur ERFM. Youssef Indy nous a quittés, mais c'est Félix Niche qui vient de nous rejoindre. Félix, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Félix. Xavier est toujours parmi nous. Nous allons repasser un coup de téléphone à Vincent, qui est en périple dans les rues de Paris, donc dans quelques minutes. Félix, alors, un dernier râle électoral, c'est le titre de ton dernier article publié sur le site. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Que je suis moins déprimé qu'au premier tour. Uh-huh. Pour la raison qu'il y a une personnalité éminente du Front National qui m'a aidé à supporter cet affreux résultat prévisible, hein, annoncé, disons. Qui donc ? C'est monsieur Louis Alliot. Ah, Louis Alliot. Je me suis dit que finalement, bah, tout compte fait, on ne perdrait peut-être pas autant qu'on l'avait peut-être cru, voilà. Je suis même allé un peu voter à contre-cœur. Oui, franchement. Enfin, j'exagère un peu, mais il m'a vraiment remis les pendules à l'heure. Ouais. Voilà. Alors sinon, on a. Oui, je t'en prie. Oui, oui, non, mais on a Vincent Lapierre en live, donc on va le prendre. Vincent, tu m'entends ? Oui, je suis Pierre. Oui, Vincent. Voilà, tu es en direct sur RFM. Où te trouves-tu ? Bah écoute, je me trouve toujours sur l'esplanade du Louvre, où se trouvent rassemblés les macronistes, hein, qui parlent d'une victoire d'Emmanuel Macron aujourd'hui. J'ai fait plusieurs interviews. Tous pensent qu'il va gagner aujourd'hui. Alors, donc l'ambiance est au beau fixe. Les t-shirts sont sortis, les ballons sont sortis. Bah, les CRS surtout, hein, paradoxalement, il y a énormément de CRS. La foule est très contrôlée, très irriguée. Et il y en a quelques difficultés à rentrer sur l'esplanade du Louvre. Il y a une queue très très importante. Alors je vais faire quelques interviews pour essayer de jauger l'ambiance. Vas-y, bonjour, monsieur. Vincent. Vous êtes en direct sur RFM ? Oui. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour, oh, monsieur. J'en ai sur RTV, vous ? Oui, RTV. Vous m'avez reconnu. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je suis là parce que moi, je me demande bien qu'est-ce qui va passer entre-temps. Voilà. D'accord. Donc vous êtes inquiet de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir ? Moi, je suis rien inquiet de tout, en fait. Ah, vous êtes inquiet de tout, d'accord. De tout. Ok. Vous avez voté pour qui, là ? Enfin, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Ouais. On ne sait pas ce qu'ils comptent réellement appliquer, on ne sait pas s'ils sont sérieux ou pas. Ouais. Sur telle chose, que ce soit économique, ce que vous voulez. D'accord. On ne sait pas, en fait. Hein. Et là, au second tour, vous avez voté pour Marine Le Pen ou vous êtes abstenu ? C'est secret. Je crois que c'est un peu plus tard, d'accord, ok. En tout cas, vous êtes inquiet. Toujours inquiet, toujours. Particulièrement pour ce mandat mai 2007 jusqu'en mai 2022, quoi. D'accord, ouais. Bah, ça fait 5 ans de continuité de François Hollande. On verra bien, c'est possible. Ouais, bah, c'est vrai, ouais, c'est très probable. Ok, merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Bonne soirée. Bonjour, monsieur. Non ? Bonjour, messieurs. Vous êtes en direct sur RFM, je voudrais avoir votre avis sur cette élection. Vous avez voté pour qui aujourd'hui ? J'ai voté pour Emmanuel Macron. D'accord, vous attendez une victoire de Macron ? Ouais, a priori, ouais. Ce serait une bonne nouvelle pour la France, vous pensez ? Oui, oui, ça serait éventuellement une bonne nouvelle, ouais. Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement ? Éventuellement. Qu'est-ce que j'attends de lui ? J'attends. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? C'est une bonne question. On attend du changement, un mouvement, un peu de. Couvert d'avant, quoi. Ouais, c'est un peu vague tout ça. Un peu vague, ouais. Dans la précision, par exemple, les premières mesures que vous souhaiteriez voir appliquer ? Les premières mesures, ouais. Et ben là vous me posez des questions, hein, 14 secondes et vous n'y avez pas réfléchi, vous avez voté pour lui. Mais vous me posez une question en 2 secondes. Non, d'accord, bah écoutez, 2 secondes. Oui, allez-y, prenez le temps de réfléchir. Baisse de la CSG. D'accord. RSI. Mais là, je vais finir sur un site un peu chelou, genre en mode. Chelou de nuit. C'est-à-dire. Je suis en direct pour RFM ou je suis sur, en train de me filmer ? Sur RFM, les deux à la fois en fait. C'est à la fois un reportage et à la fois la radio. Ouais. Non, mais je suis. Non, je vous sens un peu. En fait, inquiet. Je crois que vous avez déjà vu sur Internet. En fait, vous allez voir des gens de Macron et vous allez leur poser des questions pour qu'ils répondent le plus vite possible, pour qu'ils bégayent et pour faire du. Ah non, pas du tout, mais regardez. Prenez le temps de réfléchir. Je vous laisse. Allez-y, réfléchissez. Les idées de Macron. Quelles idées de Macron ? Ouais, vous soutenez. Quelles sont les mesures que vous voulez voir appliquer en France ? Quelles mesures ? Bon. Non mais je veux bien répondre à vos questions, c'est juste à vous me poser une question en un quart de seconde, c'est normal que... Bah, les questions je les pose vite, mais vous pouvez prendre le temps de répondre. Prendre le temps de répondre ? Quelle mesure je vais attendre part de Mac ? Non, je... Non, ok, d'accord, ça ne vous inspire pas. Non mais je sens que je vais finir sur Internet, bah, sur vous une voyez, vidéo propagandiste insoumis à... Propagandiste, je sais pas, mais en tout cas... Je sais pas, mais genre, est-ce que c'est comme ça Non mais je sais pas, je trouve ça, genre c'est en mode, comme ça on va prouver que les mecs ils n'ont aucune idée du programme et ils votent comme des idiots. Je vous donne la parole, je vous donne l'occasion de vous exprimer, au contraire, de dire à quel point Emmanuel Macron sera un bon président. Allez-y. Laisse-le s'envoler Vincent, laisse-le partir. Il faut qu'il prenne son envol ce jeune homme. Non mais je connais, genre c'est dans le but, c'est de montrer... Mais étudier le problème, vous harceler les gens comme ça, en mode, il faut sortir trois mesures, en mode, allez on prend trois mesures, je vais expliquer à 1500 et tout comme ça, comme... Ok, merci beaucoup. Beaucoup, monsieur. Merci. Bon, comme tu le vois, les idées sont effectivement très... très flou, hein, moi, je pense comme on l'a vu dans tous les reportages. Je pensais que les Français avaient bien réfléchi avant de mettre le bulletin dans l'urne, apparemment. Ouais, ouais, ben non. Pas tant bonjour ça, madame, pas tant vous êtes en direct sur RFM. Non, vous ne souhaitez pas vous exprimer? Filme pas en fait, ça les décourage. Non, non, vous inquiétez pas, c'est sur c'est la radio en fait. Vous avez voté pour Emmanuel Macron? Non, bah, je suis québécoise. D'accord, donc très bien. Depuis le Canada, comment vous voyez ces élections? Ben, on ne sait pas qui va rentrer. Il pense que c'est Macron qui va rentrer, mais on ne sait pas parce que nous, au Québec, c'était différent. C'est la même chose quand c'est arrivé. Ouais. Vous espérez malgré tout que Macron gagne ou pas? Ce serait mieux que Macron gagne, je pense, pour le pays et pour tous les pays. Comment vous voyez le Front National depuis le Québec? Oh. Là, je ne vais pas vous dire. Non, vous suivez ça de très loin. Non, très loin. Mais malgré tout, de très loin, vous savez qu'il faut que ce soit Macron qui gagne. Oui, parce que Le Pen, c'est comme notre Bush des États-Unis. Ouais. Trump des États-Unis. Ouais. Ça peut être dangereux. Ouais. Ouais. Donc, déjà, là, il va commencer à faire plusieurs choses contre le Canada et contre tous les pays. Demande-lui ce qu'il pense tout court. Demande-lui ce qu'il pense de Justin Trudeau. Mais non, je ne pense pas à la télévision. Merci, comment c'est ERFM? C'est une chaîne sur Internet, une radio, une web radio. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Pierre, là, j'ai... Il y a énormément de monde, je pourrais faire des interviews pendant une heure là, si tu le souhaitais. Non, bah, écoute, Vincent, on te remercie, on va te reprendre tout à l'heure. Est-ce que des médias sont présents aussi? Ouais, il y a beaucoup de médias, beaucoup de caméras. Est-ce qu'on pourrait te lancer un défi? Est-ce que tu pourrais interviewer Rutel Krief ce soir? Rutel Krief, tu penses que je vais arriver à la trouver? Bah, écoute, il y a énormément de monde. Hein. Ouais, bah écoute, je vais essayer, ouais. Je vais essayer, tiens, c'est une bonne idée ça. Un mélange à la masse. Okay, à mon avis, elle sera plutôt du côté des VIP, ouais. Ok, bah on va. Ok, merci Pierre. Ok. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. De retour dans le studio d'égalité et réconciliation. Alors, oui, qu'est-ce Félix, que vous inspire le niveau de politisation des macronistes? Le niveau de... Même le QI m'inspire des pensées plutôt basses. Mais je suis un peu inquiet pour la sécurité de notre camarade Vincent, parce qu'il va en plein milieu des macronistes. Bon, encore, les macronistes ont l'air tellement débiles qu'ils en deviennent pacifiques, je pense, mais... ça va se savoir, ça, qu'il est parti là-bas. Oui, bah, ça va se savoir. Mais... Une bande de petits... Ça ne changera pas grand-chose. C'est sûr qu'il n'est pas seul, quoi, c'est ce que je veux dire. Parle bien devant le micro, Félix. Félix, j'ai une question pour toi. Ah. Toi qui es l'auteur de l'ouvrage Ex-France, entrons-nous ce soir de plein pied dans l'Ex-France? Oui, c'est une très bonne remarque. Je pense que là, oui, définitivement, ça porte une signature, parce que on était à bout avec Hollande, là, 5 ans de Hollande. 5 ans de Bataclan, de Terrasse, de Nice, de guerre, tous azimuts, de Daesh. 5 ans de loi travail, de loi Macron. 5 ans d'enfoncement. Chômage, insécurité, chômage, terrorisme. Une énumération que tout le monde connaît. Progressisme sociétal. Et là, ce qui va se passer, c'est à minima la continuation de la même... décadence, de la même mise au tombeau. Mais moi, je pense que ce sera plus qu'une continuation, ça ne peut être qu'une aggravation. Car la quantité finit par se transformer en qualité. Et je pense que Macron, qui est sous influence, n'a pas d'autre choix que d'accélérer toutes ces mesures. D'ailleurs, c'est ce qu'il prévoit. Bah, d'ailleurs, une aggravation ou une accélération? Toi qui es un peu marxiste quand même. Oui, bah, est-ce que c'est une accélération du processus capitalistique? Capitalistique, je dirais au contraire, puisque le capitalisme est en train de se métamorphoser en autre chose que le capitalisme, c'est-à-dire en barbarie, à l'état pur, ou même la création de marchandises, ou même un minimum de progrès scientifique et industriel est en train de régresser, et que la grande bourgeoisie a fait place à la mafia. Le grand capital, c'est presque une communauté de mafieux. Donc on est dans un autre monde et on va précipiter. D'ailleurs, Macron, c'est une rupture, oui, à cet égard. C'est réellement une rupture. Parce que c'est ce qui m'avait frappé lors du débat avec Marine. Hein. C'est qu'il était comme, Alain l'appelle un golem, vous voyez. Et on pourrait sentir qu'il était totalement... sous influence. Enfin, j'ai trouvé. Les journalistes aussi étaient tétanisés. C'est des propos que m'a tenu un ami qui est un ésotérique campagnard, qui ne veut pas que je le cite. C'est un grand artiste qui vit réellement dans le monde pneumatique, disons, dans le monde subtil, et qui a trouvé que ce débat, il était très étrange. Parce qu'il a... Marine Le Pen n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Mmh. Et Macron et les journalistes avaient une attitude... Enfin, pour lui, c'est presque un acte de magie noire, mais au sens élevé du mot. Je ne sais pas si c'est un acte de magie noire, mais il est certain que nous sommes dans une coïncidence de deux plans, hein, le plan horizontal, dont on parle, le capitalisme, et le plan vertical. Il y a franchement un basculement qui est en train de s'opérer, bon, qui est déjà opéré, mais comme il y avait un minimum de résistance en face, c'est presque, oui, une ex-France, parce que la France, pour moi, c'est pas le peuple élu, c'est le pays élu. Je pense que Jeanne d'Arc l'a prouvé par cette intervention de la Providence qui me paraît vérifiable, hein, par les textes, si on regarde le procès, par le fait que même un homme comme Marx avait dit curieusement, la France, en France, disait-il, toutes les problématiques politiques se passent comme sur une scène de théâtre. Mmh. La France a... Lapsus intéressant, la femme, la France, hein, ça prouve que je l'aime d'amour, la France. Et je sais que c'est un enjeu évidemment dans le règne de la quantité, mais c'est aussi un enjeu spirituel très profond. Et je pense que un Macron, ça a un sens. Hein, c'est finalement un golem. Justement, en termes pour reprendre les propos de celui qui vient d'entrer en scène. À qui nous allons donner la parole dans quelques minutes. Et pour finir sur l'ex-France, oui. Est-ce que les macronistes sont des ex-français ? Non, je ne crois pas. Ils ont un caractère zombie, c'est vrai. Mais bon, le crétinisme, ça fait longtemps qu'on le... Le mondialisme est une idée très française. Oui. Non, ce sont de vrais Français. Je veux dire que c'est un dérivé de l'universalisme républicain, c'est ça, Xavier, ou c'est... Voilà, qu'on peut juger dévoyé ou non, mais finalement, leur mondialisme est très français. Il ne faut jamais oublier qu'on a toujours mis des hauts fonctionnaires français à la tête des organisations internationales, que ce soit Pascal Lamy, que ce soit Dominique Strauss-Kahn, Jean Monnet, Christine Lagarde, etc., parce qu'on sait très bien que c'est les seuls qui ne défendront pas l'intérêt de leur pays. Voilà, parce qu'ils l'ont en eux, cette idée-là. Oui, De Gaulle disait... Donc là, c'est la nouvelle génération qu'on a décrite tout à l'heure et ça va être aggravé puisque la nation n'existe même pas dans leur représentation du monde. Alors on va revenir sur cette analyse et sur cette conception du monde. Dans deux minutes, les résultats officiels vont tomber. Donc nous allons basculer, chers auditeurs, en direct sur ERT, sur ERFM. Nous allons basculer sur les médias dominants. Et nous allons connaître le nom de celui ou celle qui va succéder à François Hollande à l'Élysée. Les Français ont voté, les Français ont choisi leur 8e président ou présidente de la 5e République. Ce soir, sur BFM TV, nous sommes en mesure de vous dire que c'est Emmanuel Macron que les Français ont choisi à 65,9%. Emmanuel Macron, très largement plébiscité par ce vote des Français. Marine Le Pen, 34,1%. Des images de liesse, de joie qui viennent de l'esplanade du Louvre en direct. Vous le voyez où Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, ce qui est un moment historique, bien sûr, parce que c'est un candidat que personne ne connaissait il y a encore un an maintenant. Il était ministre de l'économie, il a démissionné en 2014. Il a créé son mouvement en août 2016. Mathieu Koch, vous êtes sur place pour BFM TV. Au cœur de l'événement politique de la soirée, l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un moment très fort que l'on vient de vivre ici sur l'esplanade du Louvre lorsque le nom d'Emmanuel Macron est apparu sur ces écrans géants. moment on a entendu une véritable explosion de joie avec ces drapeaux qui continuent de voler, des milliers de drapeaux français qui ont été distribués à l'entrée, cette esplanade qui n'est pas tout à fait pleine, ce qui fait que eh bien, les militants, les sympathisants continuent d'arriver pour certains en courant ici pour fêter la victoire de leur candidat, victoire qui semblait inespérée il y a encore quelques mois. Emmanuel Macron qui a mis beaucoup de temps à monter dans les sondages, à avoir une candidature qui est devenue de plus en plus sérieuse au fur et à mesure. Et ces militants, eh bien forcément, aujourd'hui, ils ne cachent pas leur joie ici sur l'esplanade du Louvre pour une fête qui s'annonce longue avec d'abord eh bien, un moment très attendu, ce sera la prise de parole d'Emmanuel Macron, premièrement à son quartier général et puis ensuite ici sur cette scène qui a été installée juste devant la pyramide du Louvre. Emmanuel Macron qui devrait donner un discours très solennel tout à l'heure, un moment de gravité, un moment personnel aussi, nous dit-on, dans son entourage. Emmanuel Macron qui s'exprimera rapidement, une dizaine de minutes seulement. Et puis après, eh bien, la fête continuera puisqu'on attend des groupes, le groupe Magic System notamment, plusieurs chanteurs aussi et des DJ qui seront là eh bien, tant que les Français, tant que les sympathisants d'En Marche auront envie de fêter cette victoire. Chers auditeurs, nous sommes de retour en direct sur ERFM. Emmanuel Macron, élu président de la République française. Chers invités, Alain Soral vient de nous rejoindre également. Alain Soral, bonsoir. Oui, bah, comme vous avez pu voir, je suis en noir, donc j'avais anticipé. Ah. Moi aussi. Hein. Et je n'ai pas dessoulé depuis 48 heures parce que je prévoyais la catastrophe. Ouais, pour oublier. Bah, oui, pour l'instant, on n'a que ça. Hein. Bon alors, premières estimations, Emmanuel Macron à 65%, Marine Le Pen à 34%. 65,9, donc 66 quoi. Oui, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 40, elle n'est même pas à 35. Ouais. Mm-hmm. Mais attention, une chose est sûre, hein, ça c'est des résultats relativement aux votants. Hein. Chaque fois que, ça c'est un vieux truc des élections, hein, il faut toujours rapporter les chiffres en voix absolue, c'est-à-dire aux inscrits. Il faut tenir compte de l'abstention. Non mais Paris n'est pas dépouillée, ça veut dire qu'elle va encore baisser dans la soirée. Peut-être, mais... les grandes villes peut-être. Sont dépouillées plus tard. Voilà. Donc ça veut dire que... Non, en vrai, elle est nulle part, quoi. Peut-être. Non, mais attendez, ouais. Attendez, juste un mot. Va perdre. Macron, perdre des points encore Macron, Macron au premier tour, il a fait 24% des votants, et donc ça a donné 18 des inscrits. Ça veut dire qu'il a perdu 6 points. Donc on ne pourra pas dire... il faut vraiment... s'assurer que la majorité des Français, et ça, pour cette élection, ce qui est capital, c'est l'analyse de l'abstention. Parce que l'abstention, c'est une abstention extrêmement politique, cette fois. Parce que les mots d'ordre de « on ne peut pas voter », moi j'étais à la manif du 1er mai, et j'ai été très surpris de la véhémence de ni Macron, ni Le Pen. On a vu que le sénateur s'est dégonflé, il a quasiment à voter appelé à voter Marine, de la même manière que Martinez aussi a appelé à voter Macron, à pas voter Marine. C'est Mélenchon. Hein. Oui. Ouais, donc Mélenchon a appelé à voter, a voter n'importe quoi sauf Le Pen. Donc il a carrément dit qu'il fallait faire. Martinez a dit qu'il fallait faire le plus haut score pour Macron. C'est sûr que ça compte. Et moi, je suis curieux de connaître le véritable chiffre de l'abstention, parce que je pense qu'il va y avoir une abstention ouvrière et populaire. Dans ce cas-là, je vous répète. 20% d'abstention, ça fait 6 points en moins quand même. Hein? Donc, 6 points en moins, là, à Macron, ça lui ferait quand même que... Oui, ça serait quand même énorme. On a des très très belles images en direct à la télé. De la France. Messieurs, si vous le permettez, nous allons passer la parole à Vincent Lapierre. Vincent, est-ce que tu m'entends? Oui, cher Pierre, je t'entends. Alors Vincent, toi qui es sur place, quelle est l'ambiance? Bah écoute, forcément les résultats ont été annoncés, donc on a eu un mouvement de foule, une ferveur, et une forêt de drapeaux français, donc là pour le coup ils sont patriotes, les macronistes sont patriotes. Et les drapeaux européens donc, Non, pas aucun, zéro drapeau européen, que des drapeaux français qui sont distribués à l'entrée de la manifestation. Donc les gens applaudissent effectivement à l'annonce des résultats et à la confirmation des résultats. Donc 65, 34, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 65,9, 34,1 pour Marine Le Pen. Ok, alors là je me trouve avec un jeune couple de macronistes. Bonjour. Non. Vous êtes en direct sur RFM, je vous pose juste quelques questions. Oui, d'accord. Donc là, 65, 35, c'est un résultat qui vous convient? Oui, tout à fait. Ok. On espère vraiment que Emmanuel passe, du coup ça nous convient et ça remet les choses vraiment à sa place. D'accord, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Mais on attend des solutions, on va dire, pour les 5 ans à venir et des changements, que ce soit, comme il dit, par rapport à son programme, pour, surtout pour les jeunes, pour nous, voilà. Ouais, pour les jeunes. Ouais, et surtout au niveau là, des aides qu'on peut avoir, etc. Et c'est aussi surtout faire barrage, voilà. Ouais, c'était surtout pour faire barrage, barrage à Le Pen, hein, parce que tout ce qu'elle proposait au niveau immigration, etc. Et bon, on connaît déjà son passé, donc. D'accord. C'est surtout par rapport à ça. C'est pas tellement un vote d'adhésion qu'un pour vote. Pour moi, c'est pas à 100% adhésion. Mais... D'accord. Parce que malgré tout, excusez-moi, Emmanuel Macron est soutenu par toute la caste médiatico-politique. Ça vous dérange pas? Moi, non. Non, non. De savoir que tous ceux qui ont eu le pouvoir pendant 30 ans soutiennent Macron, ça vous dérange absolument pas? Non, non. Non, non pas tout. C'est pas ça, moi, que de voir justement l'inverse avec un soutien plus adroit à Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a jamais eu le pouvoir. Comment vous pouvez dire que ce qu'elle ferait serait négatif pour la France? C'est un... Macron non plus, c'est vrai. Macron a eu le pouvoir, lui. Enfin, oui, enfin, en tant que ministre. Oui, oui. Le CICE, 40 milliards d'euros par an, ouais. Pour une hausse du chômage de 30% en 5 ans. Donc des résultats absolument catastrophiques, et malgré tout, vous faites le choix de voter pour Emmanuel Macron. Je veux comprendre. Je préfère voter Macron que Le Pen. C'est juste par principe. Moi, c'est mes valeurs, en fait. C'est juste mes valeurs. Le Pen, concrètement, faut arrêter. Elle a essayé de dédiaboliser le FN, etc. Mais ça reste toujours la même personne au fond. Elle dit pas mal de choses. Elle se contredit beaucoup, déjà, dans ses discours. Ouais, sur quel point, par exemple? Alors, je me rappelle plus exactement, mais il y a plein de vidéos qui circulent où on la voit qui dit des choses et en fait, auparavant, elle disait totalement autre chose. Oui, mais Macron, on peut pas dire que lui. Non, oui, ça, c'est le principe des politiques. Tous les politiques sont un peu. Il faut faire un choix et parmi les deux candidats qui étaient proposés cette année, je pense que le choix d'Emmanuel Macron est plus raisonnable que celui de Marine Le Pen. Alors, est-ce que vous pensez pas. Même par rapport aux débats qui nous ont été diffusés sur les TF1 et France 2, les arguments de Macron étaient plus convaincants, à mon avis, que ceux de Le Pen, où pouvait s'embrouiller, ou voilà, ne pas forcément répondre aux attaques qui étaient lancées. Et voilà, c'est juste un choix. Le côté blanc, on a assumé justement notre soutien plus pour Emmanuel Macron. Ok, merci beaucoup, messieurs, dames. Ok, merci. Tu vois, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. J'ai l'impression de parler à une télévision quand je parle à des gens. Ils ont vraiment le logiciel qu'on leur a inculqué, quoi, bien ancré. Hein. On te rappelle dans une petite demi-heure. Ok, très bien. Allez, à plus tard. Prends soin de toi. Messieurs, une réaction sur le... C'était emblématique, là. Sur l'électorat français. Ouais, mais ça fait un moment, ils sont tous cons, quoi. C'est pas des abstentionnistes, hein. Ceci dit, il faut analyser ce que disent les jeunes, là. C'est qu'on peut pas dédiaboliser le Front National avec une présidente qui s'appelle Le Pen, en réalité. Hein, mm-hmm. Puisque, en fait, on croit à l'hérédité... C'est aussi la domination d'une certaine communauté sur la France, c'est qu'on croit à la transmission héréditaire de l'idéologie, hein, ça s'appelle le racisme. Et en fait, quand on dit on connaît son passé, en fait, ça veut dire le passé familial. Et effectivement, il faut se poser la question de savoir un parti qui veut se dédiaboliser et qui a l'obligation de se dédiaboliser, mais dont le président, la présidente porte le nom du fondateur. Et ce repoussoir qui est le nom Le Pen suffit pour des abrutis, des jeunes avec le système de médias ultra puissants pour faire que c'est un vote, on va dire pavlovien, hein, sans argumentaire, mais que ça suffit pour qu'un inconnu, un nobody et un type qui est une fabrication, bah, gagne. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu comme des piafs avec un épouvantail, quoi. Donc là, il faut vraiment réfléchir à comment dirais-je, un parti qui incarne vraiment une alternative politique sérieuse et de gestion peut gagner face au système malgré la diabolisation, soit fait qu'il soit absolument pas diabolisable, alors ça peut être par exemple Dupont-Aignan, soit il faut être dans une radicalité encore plus grande, Alliou, et être dans un processus je dirais presque révolutionnaire, quoi, mais dans l'entre-deux qui est la situation du front, hein, c'est-à-dire le politiquement incorrect, correct et réciproquement, et ben ça fait 35 et je pense que ça ne fera jamais plus de 35. Hein. Voilà, c'est le maxi, quoi. Alors justement, comprendre l'Empire, donc c'était contre demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Apparemment, ce soir, c'est la gouvernance globale. Oui, oui. Oui, parce que Marine et le Front National, c'est pas seulement la nation pour les gens. C'est une nation entachée d'antirépublicanisme, de pétainisme, de collaboration, de colonialisme, etc., etc. Et on voit bien le paradoxe énorme, c'est que le programme réellement, on va dire, gaullien, pour le, en tant que programme, c'est celui de Marine Le Pen, et pourtant ses opposants prétendent la combattre à mort au nom du gaullisme. Hein, c'est-à-dire que là, on a quand même beau jeu pour le système, effectivement, de systématiquement pointer du doigt le passé, le père fondateur, les collaborateurs, etc. etc. Donc là, il y a un vrai problème, c'est que soit le Front National assume d'être un parti révolutionnaire de rupture totale et remet en question tous les fondamentaux de l'idéologie dominante et du politiquement correct, hein, jusqu'au révisionnisme historique, soit il admet en fait tous les fondamentaux du politiquement correct, ce qu'a fait Marine, et donc eh ben, il est son propre ennemi. Hein, puisque la seule chose qu'a pu faire Marine depuis des années, c'est virer systématiquement tout militant et tout cadre que BFM ou les Inrecuptibles lui montraient du doigt sur des critères complètement frivoles selon le sérieux du politique. On l'a vu. Et donc, le Front National est dans une impasse. Hein. C'est pour moi, c'est une évidence. Alain, si je peux me permettre, le problème vient surtout qu'un leader populiste doit incarner le peuple qu'il veut défendre. Xavier, je vais te couper. Marine Le Pen qui réagit en direct. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Des formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France. Elle vient de corroborer ce que j'ai dit, c'est-à-dire absolument. Que Marine, déjà, c'était pas Marine Le Pen, et maintenant, il faut changer le nom du Front National, parce que ce plancher de verre est indépassable, c'est 35% avec le Front National, mais je dirais aussi avec Marine Le Pen, c'est ça le problème, c'est qu'elle s'appellera, ils vont pas l'appeler M à la fin, tu vois, pour essayer de gommer le plus possible. Un leader populiste doit incarner le peuple qui veut défendre Trump, incarner, qu'on le veuille ou non, l'Amérique. Chavez incarnait certainement quelque chose. Marine Le Pen n'a pas un CV de leader populiste, c'est tout. C'est vrai. Alors, quel avenir pour le Front National ? On peut pas tout faire porter non plus sur Marine, hein. Non, mais nous, on a été quand même très, très godillots. On a fait un énorme boulot, alors qu'on se fait cracher à la gueule. Je rappelle Louis Alliot qui me crache à la gueule. Et moi, je mène un combat qui fait que je me fais quand même attaquer de partout en disant « Vous soutenez le Front National malgré l'anti-islamisme radical du Front. » À un moment donné, si on est patriote et qu'on est lucide et honnête, là, c'est le moment du bilan. Et le bilan, il est globalement négatif. Hein. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait Marine depuis l'éviction de son père, le politiquement correct, la tendance gay-friendly, virer tous les mecs, qui avaient, les militants qui avaient un peu d'épaisseur, pour finalement passer de 18 à 35. Alors évidemment, on peut se dire la prochaine fois, ça c'est à la Asselineau, on a multiplié par deux, et la prochaine fois, on fait 70. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas. Parce que même la dynamique de la législative ne va pas y en avoir. Hein. Il va y avoir le parti du centre qui va être Macron, là, les progressistes. Mmh. À droite, ils vont maintenir quand même, pour la clientèle bourgeoise catholique, les Républicains. C'est pour que Fillon est allé au tapin. Ça sera même si c'est Barouin qui est derrière. Et à gauche, Mélenchon va ratisser large sur les ouvriers et la jeunesse idéaliste. Et notamment, là, on n'est pas dans une dynamique pour le Front National. C'est-à-dire qu'avec le système à deux tours, hein, comme on n'est pas dans la proportionnelle, en faisant des calculs, combien le Front va-t-il ramasser de députés? 25? 20, c'est le bout du monde. Oui, c'est rien, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà, zéro. Là, quoi. Ils ont déjà gagné 0 région et 2 députés, donc déjà, bonjour le bilan. Et puis là, ça va continuer sur la même pente, quoi. Alors, quel avenir pour la résistance française? Est-ce que la ligne ER et la ligne Réconciliation Nationale est la bonne pour le futur? Moi, je ne veux pas enfoncer le clou, mais je suis persuadé qu'il n'y a que celle-là qui peut gagner. Moi, le moment où je me suis senti le plus mal à l'aise dans le face-à-face avec Macron, on pourrait dire certaines choses. Hein. D'abord que Marine était non pas en train de s'adresser aux Français, mais s'adresser en fait aux beaufs de ces meetings qui crient « on est chez nous ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même la madone des beaufs et de rien d'autre. Hein. Et finalement, on remarque une chose, c'est qu'elle est très capable de lire un discours écrit par d'autres sans aucune contestation, interruption et répartie. Mais en fait, en débat, elle a été systématiquement mauvaise. Alors au début, on disait que c'était à cause du fait qu'il y avait 11 participants. On trouvait toujours une excuse et puis que le soir, elle est fatiguée. Mais en fait, elle a un vocabulaire limité. Elle cherche ses mots. Elle n'est pas très bonne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évidence, par exemple, c'est que Philippot, on peut dire ce qu'on veut, mais il est meilleur qu'elle, quoi. Le numéro 2 est plus performant, plus cultivé, plus intelligent, plus fin dialectiquement que la numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même face à une héritière qui n'est là que parce qu'elle a le nom de son père et qu'elle a été imposée, mais qui n'a absolument pas la compétence pour porter, comment dirais-je, le mouvement d'opposition nationale qui regrouperait toute l'opposition nationale. Elle s'est mise à dos des gens comme moi, comme Dieudonné. Il y a aussi, sans compter les contradictions, de démarrer une campagne sur une rupture radicale sur l'euro et l'Union européenne, et de revenir en cours de route en baragouinant des trucs à deux entrées, etc., qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le programme devient illisible. Et il y a quand même, dans la stratégie du front, je vous dis à la fois, un pas vers la rupture, et un pas vers la soumission dans une logique majoritaire. Ça s'appelle faire le grand écart. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec les couilles explosées sur le trottoir à force d'écarter le pied à gauche et le pied à droite de plus en plus. Et donc, on est quand même globalement, je le dis maintenant parce que j'en ai gros sur la patate des efforts qu'on fait depuis des années pour rien, on voit toutes les contradictions, toutes les limites du système Front National Marine Le Pen, et ça n'ira jamais plus loin. C'est-à-dire que je pense que là, on est au sommet de la montagne. Hein, et puis derrière, à la limite, il faut vraiment repenser, comme elle l'a dit, à la recomposition, mais ça s'appelle ni Front National, ni Marine Le Pen. Hein. Et puis dans quel sens elle pense sa recomposition? Moi je pense que c'est dans le sens diamétralement contraire à celui que tu viens d'exprimer. C'est-à-dire, Songe pas à nous quand elle pense à la recomposition. Je pense pas, non. Sincèrement, je crois que c'est le contraire. Elle va vouloir faire un truc encore un peu plus clean, quoi, dans le sens que tu viens d'indiquer. Inverse de celui que tu viens d'indiquer, à mon avis. Hein. Chers auditeurs, un nouvel invité vient de nous rejoindre dans le studio d'égalité et réconciliation en direct sur RFM. Nous accueillons Maître Damien Viguier. Maître, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va bien. Je serais presque joyeux. J'ai l'impression d'avoir gagné quelque part. Très étrange comme sensation. Je crois que ce soir, c'est un grand moment. C'est une nouvelle dédiabolisation qui commence. Mais je pense qu'il faut la mener d'un autre genre. Il faut commencer par expliquer aux gens que le diable ne prend pas parti, pas plus que Dieu dans les guerres. Et s'il y a des dédiabolisations à faire, il faut aller à la racine et commencer à expliquer aux gens que ni Jean-Marie Le Pen n'est le diable, ni d'autres personnages historiques avant lui n'ont été le diable. Il faut arrêter aussi le délire. Oui, oui, bien sûr. Je crois que c'est ça. Ça va dans le sens. Il n'y a pas de politiquement incorrect correct. Hein. C'est l'un ou l'autre. Trump, à un moment donné, dans son débat face à Hillary Clinton, lui a dit « Avec moi, vous seriez en prison ». Marine Le Pen n'a même pas osé attaquer Macron quand il l'a mis en question sur la famille. Alors que je rappelle que Marine est quand même la mère de 3 enfants et que l'autre a épousé sa prof de 25 ans de plus que lui, qui ça s'appelle du détournement de mineur, hein, il avait 15 ans, elle en avait 39, ils n'ont pas d'enfants, on le soupçonne d'une vie sexuelle double. À un moment donné, Marine Le Pen n'a même pas osé lui rentrer dans la gueule en disant « Vous osez me parler de la famille, monsieur Macron ?» C'est-à-dire qu'il y a une telle peur du politiquement incorrect quand elle se bat, qu'elle se bat soumise à toutes les lois, à toutes les armes de l'adversaire. Et ben, ça donne, en tortillant comme elle l'a fait, 35. Et 35, c'est zéro. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. D'ailleurs, il faut noter que dans le cadre de pensée du politiquement correct, qui remporte quand même un certain nombre de suffrages, il y a visiblement une foule de gens, ou alors ça trahit simplement le pouvoir de la presse. Non, bon. Non, mais à quel moment le Front National, depuis l'éviction de Le Pen, travaille pour autre chose que le politiquement correct? Puisque le principe de Marine Le Pen, c'est de virer systématiquement les gens qu'on lui désigne comme le politiquement incorrect chez elle. Hein, donc il n'y a plus de militants, il n'y a que des gens qui essayent d'exister en plaisant aux médias. Et d'une certaine manière, je vous dis, Le Pen avait mis sa fille pour la dédiabolisation, et ben sa fille pour dédiaboliser a viré son père. Et maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir dédiaboliser encore un peu plus, si on est dans une logique de dédiabolisation, et virer aussi la fille, ou alors nous expliquer que la fille n'est absolument pas diabolique et qu'elle est compatible avec le système, mais à ce moment-là, qu'on retombe dans une logique d'alliance droite-extrême droite pour essayer d'aller à la gamelle, comme en rêvent les gens comme Louis Alliot. Dans la logique de la diabolisation, quand vous dites il n'a pas d'enfant, c'est diabolique comme propos pour eux. Pour le politiquement correct, c'est un grand-père. Car il a épousé une grand-mère. Non, mais c'est pas ça la question. Et donc, il a 6 petits-enfants. Non, mais d'après le système en vigueur et contre lequel bientôt il sera pénalement répréhensible d'aller, ce monsieur est un grand-père. Non, mais qu'on ait imposé à la France entière l'image de ce couple sur tous les endroits, on voit les journaux, les machins, partout dans la France entière, c'est un viol des consciences quand même. Et qu'elle n'ait pas été capable de dénoncer ça, même la production de cette image, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une perche énorme. Quand on va dans les bistrots, les gens ne parlent que de ça. C'est qui ce type avec sa vieille? C'est ce que disent les gens. Depuis 15 ans, et je dirais même depuis 30 ou 40 ans, on demande à toute une frange de la population de se taire, de se calmer, qu'aux prochaines élections, ça va aller. Ça va payer et ça ne paye pas. Et le résultat, c'est qu'on s'enfonce toujours plus dans la catastrophe. Donc maintenant, ce soir, je pense qu'on peut dire que ça suffit. Quand tu dis 30-40 ans, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir des années 80, du début des années 80. Et une phrase de Bérégovoy, en 1982, que je connais par cœur, le premier ministre de Mitterrand, hein, avec un Front National fort, nous deviendrons invincibles. Le Front National faisait 0,2%. Il y a eu une volonté de la part de l'Élysée de le médiatiser. Et à tout va. Les mêmes qui sont derrière l'opération Macron sont les mêmes qu'on fait réélire Tonton en 88, hein, avec les mêmes procédés. C'est ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a eu un artifice déjà, un artifice du Thatcher français qui était un socialiste, qui allait rompre en visière avec l'électorat qu'il a élu sur des critères hyper de classe, genre rupture avec le capitalisme, c'était son programme. Et comme il allait le rompre en visière, il a créé deux trucs artificiels à l'Élysée. De la main gauche, il a créé SOS Racisme avec l'Union des Juifs étudiants de la France. Et de sa main droite, il a fait monter artificiellement à coup de médiatisation, c'est-à-dire qu'il a donné la clé de la rébellion contre cette immigration sauvage à M. Jean-Marie Le Pen, qui est passé de 0,2 à 15%. Ce qui amène, excuse-moi, deux remarques, parce que c'est l'esprit de... comment dirais-je, du rebond, c'est que la ligne de Marine amène finalement à donner le leadership de l'opposition, on va dire nationale républicaine, présentable à Dupont-Aignan. À la limite, c'est à lui qu'il faut filer la boutique, hein, par exemple. Ou alors, à un moment donné, celui qui va passer à la caisse pour ramasser les opposants au système, ça va être Mélenchon. Parce que Mélenchon présente un espèce d'alternationalisme assez présentable aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vois plus la place quelque part du Front National et de Marine Le Pen là-dedans. Je vois Dupont-Aignan à droite et Mélenchon à gauche pouvant avoir un avenir dans le système tel qu'il est. Hein. Mélenchon a quand même fait des offres de service à Macron récemment. Non, mais d'accord, mais Mélenchon s'est fait tordre le bras. Il a même été menacé par son obédience de maçonnique. politique. Et ne pas dire « je vote », c'est-à-dire ne pas dire la phrase, était déjà pour lui un énorme travail de résistance. Et moi, j'ai critiqué Mélenchon très très vertement, hein, parce que de prétendre que ça serait l'héritier du PCF, c'est une plaisanterie. Mais par contre, si on fait une analyse du potentiel politique de l'avenir par rapport à la colère française, on voit bien que celui qui a de l'avenir, parce qu'il a du métier, parce que c'est un bon dialecticien, parce qu'il peut porter des idées néo-nationales, néo-protectionnistes, plus ou moins pro-russes et même pro-Assad, sans subir les foudres de la diabolisation, hein, il peut le faire. Et en plus, je ferai remarque ultime, c'est un homme. Et ça aussi, c'est fondamental. Marine est une fois de plus aussi à contre-courant, parce que comme je le dis, la révolution ne passera pas par les urnes, elle passera par les burnes. Et Marine Le Pen, quelque part, elle est comme Merkel, elle est comme Hillary Clinton, elle est bloquée par le défaut du phallus. C'est-à-dire qu'elle a du mal à incarner l'autorité sans tomber dans la brutalité, la vulgarité et l'hystérie. La perversion. Et l'hystérie. Et on l'a vu face à Macron. Je veux dire, elle n'a pas pu faire face. Alors que Macron, c'est pas grand-chose en termes de virilité. Et ben, elle a pas pu. Voilà. Tu avais tellement raison à propos du PCF, si tu permets, je rebondis sur ce point de détail, que la France insoumise vient d'intenter un procès au Parti communiste français pour utilisation frauduleuse de son image, l'image de Mélenchon. Donc, on voit bien que le vrai but de Mélenchon, c'était de briser les restes bien décomposés. Ça a toujours été le rôle des trotskistes. Hein, et le pire, c'est que la campagne de Mélenchon, vous l'avez tous remarqué, était une campagne assez somptueuse. Des affiches partout, à toutes sorties de métro. Eh bien, il faut savoir que le potentiel militant, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, il y a quand même encore 80 000 militants, dont on peut dire franchement 10 000 authentiques militants ouvriers qui ont mis la main à la pâte pour leur Mélenchon, et la récompense, c'est qu'ils les jettent comme des vieilles merdes. Et ça, c'est la nature politique de Mélenchon. C'est, toi, t'appelles ça un trotskiste, moi, j'appelle ça un traître, tout court. Oui, c'est le social traître. C'est le Ceci social dit, traître. C'est Laurent qui a appelé à voter un compte. Oui, mais Laurent est pareil. Hein. Laurent a appelé à voter pour Macron inconditionnellement. Oui, mais la direction du PC, c'est la pourriture aussi. Hein. En apparence, Mélenchon s'est mieux tenu N'oublie pas quand même que Robert Rue a rejoint Macron avant même le début de la présidentielle. C'est quand même énorme. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est intéressant sur les courants. Peut-être plutôt que de raisonner en termes d'hommes, raisonner en termes de courants, de courants de pensée représentés par des populations quand même. Il est certain que l'histoire a montré que s'il y a un courant qui est susceptible d'emporter quelque chose et de représenter un avenir pour la France, c'est un courant qui confondrait, qui serait un alliage du courant mélenchonien et du courant du Pont-Aignan. Oui, ça s'appellerait le CNR, le Comité National de la Résistance. C'est l'autre. Mais le verrou antifasciste et antiraciste fait que c'est systématiquement impossible. Ouais. Et quand Marine Le Pen, pour renouveler le bail du racisme, déclare la guerre aux musulmans, parce qu'en fait c'est déclarer la guerre aux bougnoules, elle modernise l'extrême droite. Elle ne sort pas de l'extrême droite, elle renouvelle le bail. Parce qu'on a très bien compris, quand elle prétend que Macron, qui est l'homme de toute la banque mondialiste Rothschild, qui est l'homme derrière qui il y a toute, comment dirais-je, on va le dire, la haute juiverie financière, elle prétend qu'il serait dans la main de l'UOIF, d'une bande de guignols une fois par an au Bourget, sans jamais faire l'analyse jusqu'au bout, c'est-à-dire que de toute façon l'islam radical s'est validé par Israël et les Américains, elle est soit dans la bêtise, soit dans le mensonge. Et à un moment donné, ce discours de lâcheté, qui consiste à déclarer la guerre aux musulmans n'ayant jamais le courage de montrer du doigt le tout-puissant lobby sioniste, c'est à la fois stratégiquement perdant et c'est moralement lâche. Voilà. Et il n'y a rien de pire que de dire la vérité, de dire presque la vérité. C'est-à-dire que déclarer la guerre au foulard, hein, mais sans jamais parler de la kippa, de toute façon, c'était une stratégie de soumission et de lâcheté qui, d'ailleurs, si on veut aller jusqu'au bout, est-ce que les sionistes ont fait aucun cadeau, un seul cadeau à Marine Le Pen? Hein, okay. Pourquoi leur lèche-t-elle le cul systématiquement? Pourquoi, face à Macron, a voulu-t-elle se faire la candidate des homosexuels et des juifs? Face à Macron, c'est carrément délirant. Elle a quand même son propre bureau politique, il faut qu'elle le défende. À quel moment les féministes, d'ailleurs, ont dit Marine s'est votée pour une femme? À quel moment les gens disent quand même Philippot, le numéro 2, est gay? Et à quel moment ils ont dit Rachline, le directeur de campagne, son père était juif? En réalité, tout ça, ça ne rapporte jamais un copec. Alors que moi, je connais quand même beaucoup, beaucoup de gens issus du peuple et qui sont soit issus de l'immigration, soit issus de, du peuple qui travaille à côté des gens issus de l'immigration, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui quand même ont bien pour eux vérifié que le Front National, en fait, n'avait pas changé et que c'était bien dans les meetings des beaufs qui gueulent, on est chez nous, on est chez nous. Et je suis désolé, mais vous n'êtes pas chez vous, parce que vous n'assumez même pas, vous, la direction du Front National, les valeurs françaises, en réalité. Vous n'arrêtez pas d'admettre que vous n'êtes que des locataires précaires, hein, et que, en fait, ceux qui sont chez eux, c'est BFM, c'est Rutel-Krieff, c'est Drahi, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est Minc, eux, ils sont chez eux, oui, voilà. Et Marine Le Pen ne fait jamais que se prosterner devant eux, exactement comme le pape François est allé baiser la bague de tous les représentants du mondialisme à Yad Vashem. Donc voilà, et ben, c'est, finalement, Marine Le Pen, c'est l'équivalent du pape François par rapport au mondialisme. Hein. C'est du noachisme Front National, quoi. Donc on est chez eux, ils sont chez nous, c'est peut-être ça aussi. Je vais me faire engueuler un peu, mais l'UOJF a quand même appelé à voter Macron tout de suite. Non, mais et en plus, quand Marine a dit qu'il y avait... Les musulmans. Mais quand Marine a dit qu'il y avait une collusion entre l'UOIF et Macron a eu beau jeu de dire le seul type de l'UOIF qui a été invité quelque part, c'est Kamel Béchik de Fils de France. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pas... C'est tellement des bricoleurs au Front National qu'ils savent même pas que Fils de France qui travaille avec eux et Kamel Béchik est de l'UOIF. C'est-à-dire qu'ils ont même pas leur fiche à jour, quoi. Et donc, systématiquement... ça, ils se prennent, à la limite, tout leur demi-stratégie et leur demi-argument dans la gueule. Parce qu'effectivement, le seul type de l'OIF qu'on a repéré dans les médias, il appelait à voter Front National, qui est Kamel Béchik, et qui, je le répète, vient de chez nous d'ailleurs. Hein. Nous, ça faisait partie de notre stratégie de long terme d'essayer d'agréger au peuple en colère patriote aussi les Français d'origine immigrée et qu'on appelle les musulmans culturels. Voilà. Alors, on les a pas, ceux-là. Hein. Un symbole peut-être intéressant, on va peut-être basculer sur le direct, car Alec Bouty est en train de prendre la parole. Bah, il va être ministre, lui. La République est entourée d'un processus politique nouveau. La réalité, c'est que c'est un vrai changement, qu'il est profond, qu'il trouvera une traduction dans les élections législatives, qu'il aura une majorité. Et je vais même plus loin. Je prends le pari ici, dans ce studio, qu'il va réussir ses pas en tant que président, que son gouvernement va réussir et que la France va changer. C'est la première fois que... Parce que c'est typiquement dans la culture française. On sait que la France est un pays qui peut se bloquer, mais que parfois... Une providence, une personnalité, un moment fait que ce pays est capable de se sublimer. C'est une nouvelle page de l'histoire politique. Et le fait que les vieux appareils mettent le pied sur le frein ce soir, que les vieux commentateurs fassent parler les bulletins nuls et les bulletins blancs, puisque maintenant les bulletins blancs et les abstentionnistes ont autant de voix que les gens qui se déplacent dans les urnes, ce qui est une grande rigolade. La réalité, c'est une victoire politique. Elle est nette, elle est sur une ligne et elle va transformer le pays en profondeur. À l'instant, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, vient de dire que c'est un résultat déroutant, inquiétant, les qualificatifs qu'il voit, dont nul ne peut se satisfaire. C'est votre famille politique, c'est votre premier secrétaire. C'est la preuve qu'il n'a rien compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Retour en direct sur ERFM. Messieurs, Cambadélis vient de déclarer que le résultat était inquiétant. Parce que 34% de Front National, c'est encore beaucoup trop, certainement. Une réaction, personne. Vous êtes tous bouche bée. Oui, ça m'étonne quand même, parce que le résultat est plus de Macron est fort. Ouais. Non, mais c'est inquiétant parce que c'était 18 face au père. Ah ouais, voilà. Et puis ça confirme aussi que Cambadélis est peut-être et sûrement hors jeu et qu'il a subi en partie la stratégie. Je ne suis pas sûr qu'il soit partie prenante de la stratégie Macron. Alors, on essaye d'avoir Stéphane Blé en direct de Turquie. Stéphane, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends très bien. Oh, bravo. Et toi ? Bravo, bah écoute, on t'entend. Stéphane, comment vas-tu ? Quelle heure est-il en Turquie ? Bah écoute, il est une heure de plus que chez vous, hein, voilà, c'est pas compliqué. On a une heure de décalage en ce moment, donc voilà, j'ai appris les résultats comme tout le monde. Enfin pareil, j'avais un peu des échos avant, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a deux choses, la première, bah, évidemment, je suis quand même... je sais bien que Marine n'avait pas de grandes chances de gagner, mais enfin c'est vrai que le score est tellement bas, comme vous le disiez tout à l'heure, il est visiblement trop haut pour certains. Enfin c'est vrai que ça montre les limites de ce qu'on peut faire pour éveiller les gens, parce que là, franchement, franchement, c'est pathétique. Et même d'ailleurs, c'est marrant parce que même en Turquie ici, je veux dire, ça fait, je suis arrivé hier après-midi. Et bon, bien sûr, les Turcs n'ont pas forcément une adoration pour Marine, mais malgré tout, le nombre de gens qui m'ont dit, mais attendez, c'est quoi ce clown ? Vous allez vraiment voter pour ça en France ? Enfin, je veux dire, on a l'impression que le peuple français est complètement lobotomisé. Enfin, pour mettre un type pareil à la tête du pays, voilà. Donc, c'est atterrant, quoi. Je pense qu'il faudra utiliser d'autres méthodes maintenant, je ne sais pas, à part la télékinésie, l'hypnose, je ne sais pas ce qu'on peut faire, les images subliminales, penser printemps, penser je ne sais pas quoi, c'est terrifiant, quoi. C'est sûr que les rencontres bilatérales entre Erdogan et Macron, formellement, ça va être assez rigolo, hein. Du coup, enfin, je ne crois pas que ça va être rigolo pour la Turquie et pour la France d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs la Turquie avait été très pragmatique là-dessus. Ils n'étaient pas tombés dans le panneau, comme vous avez pu le constater. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de la Turquie contre Marine, même plutôt au contraire, parce qu'il y a même eu des dirigeants turcs qui ont appelé à voter Marine ou qui en tout cas ne sont pas du tout allés dans le sens de Macron. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, il leur en fallait beaucoup, parce que Marine, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, a quand même commis l'erreur, ça faut être honnête, maintenant que c'est fini, on peut le dire. On voit bien que sa stratégie, voilà, l'islamisme, etc., etc., on voit où ça mène. Bon, mais ça, je crois que justement, c'était la ligne de VR, c'était de l'empêcher de faire ça, elle n'a pas voulu écouter. Ben voilà, le résultat, ça ne lui a rien amené du tout. Et quand on voit finalement les résultats de son père dans un contexte autrement plus terrible, qui avait quand même en 2002 face à lui De Villiers, plus comment il s'appelle là, l'autre Maigret, et d'autres qui avaient quand même donc des candidats souverainistes, des candidats d'extrême droite face à lui, sinon il serait arrivé premier face à Chirac, et il ne s'était rien passé encore de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Donc non seulement le score de Marine est pitoyable, mais en plus c'est plus une baisse qu'une hausse en fait, dans la réalité. Voilà, donc c'est j'espère qu'au moins ça permettra aux Alliot, Marine Le Pen et compagnie de repenser un petit peu leur, non, pas Alliot, pas Alliot, leur manière de gérer leur qui retourne au fichier, Alliot, à ce qu'il sait faire. Stéphane, tu disais, Alain, j'ai pas compris. Je dis qu'Alliot retourne au fichier, à ce qu'il sait faire. C'est une catastrophe. Oui, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, on sait bien. Maintenant, on peut le dire. On a tenu honnêtement jusqu'au bout. Mais c'est vrai que cette stratégie complètement stupide et pas très honnête, ça a donné ça. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi, de toute façon, le peuple n'a pas très envie de se réveiller non plus. Mais on voit bien que la stratégie anti-islam primaire ne fonctionne pas. Et voilà. Donc, elle a perdu quand même pas mal. Et puis surtout, c'est vrai que moi, le débat, ce qui m'a choqué, c'est pas du tout qu'elle agresse Macron. C'est plutôt que sur l'Europe, elle n'a pas du tout été claire sur quoi que ce soit. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la sortie de l'euro ou de l'Europe, on est dans le flou et ça n'aide pas non plus. Très bien. Merci Stéphane pour ce témoignage. Est-ce que tu vas rentrer en France ou tu restes définitivement en exil en Turquie pour les 5 prochaines années ? Ah bah, je vais rentrer en France quand même, etc. Mais je ne te cache pas que moi, j'en ai ras-le-bol. Enfin, j'en ai ras-le-bol. Je continuerai quand même à lutter parce que, comme ça. Puis on aime bien aussi. Hein, voilà. Mais ça sera quand même différent dans le sens où moi, je n'ai même plus d'espoir que ce peuple se réveille un jour. Parce que pour élire un type comme ça, j'aurais pu très bien comprendre que Fillon soit élu contre Marine, même si j'aurais voté Marine quand même. Bon, bref. Mais là, face à un candidat pareil, c'est vrai que c'est totalement effrayant et que ça montre les limites de ce qu'on peut faire pour éveiller un plus grand nombre de citoyens. Ici en France. Donc je resterai, disons qu'en tout cas, je rentrerai en France, mais je vivrai en Turquie davantage qu'ici, parce que je n'ai pas envie de me taper 5 ans avec ce mec-là, quoi. Ici en France, c'est totalement horrible, hein, Malek Bouti. Parade sur les plateaux télé. Hein. Ne rentre pas, reste en Turquie, Stéphane. Oh, c'est pas mieux. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est sûr. Non, là, c'est un cauchemar. Puis il y a un moment donné, quand même si on a envie de sauver sa nation, on n'a plus forcément envie de sauver son peuple parce que finalement, ils ont ce qu'ils méritent. Très bien. Tu peux faire comme Victor Hugo, hein, et tu pars à Guernesey et puis t'attends que l'empereur s'en aille. Voilà, c'est ça, on peut faire ça. Bah, je vais essayer de faire entre les deux, parce que j'ai bien envie d'en glisser quelques-unes encore, donc je vais pas abandonner, mais c'est vrai que quand même, ça fiche un coup. Reviens-nous avec la moustache. Ah, ok, c'est promis. À Rome, fais comme les Romains. Les potes. Bon, on te remercie pour tout, à très bientôt. À vous aussi, et bonne soirée, c'est un peu cynique, mais bon, moins mauvaise soirée possible, et puis à bientôt les amis. À bientôt, bye. Xavier, vas-y, je te donne la parole. Stéphane, il a employé un mot intéressant, il a employé le mot éveillé. Et je pense que le vrai problème de la campagne de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas cherché à éveiller ni à proposer, mais elle a vraiment pris les gens pour des abrutis. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle paye ce soir, parce que le coup de dire pendant le débat qu'elle veut supprimer les subventions dans les clubs de football fondamentalistes islamiques, je veux dire, c'est du niveau 23h sur RMC, quoi. C'est Daniel Riolo, candidat à la présidentielle, ça ne ressemblait à rien. Et en plus, en s'en prenant soit à l'islam, non seulement elle ramène aucune voix musulmane qui aujourd'hui, quoi qu'on le veuille ou non, est un bloc relativement monolithique qui se reporte automatiquement sur une candidature à chaque fois. Donc non seulement elle perd ses voix-là, mais en plus elle perd les voix, et c'est là que c'est plus grave, de tous les blancs qui sont biberonnés à l'antiracisme. Tous les blancs de souche sont biberonnés à l'antiracisme. Donc vraiment, sa stratégie est perdante sur les deux tableaux. Sans compter tous les Français de souche musulmans. Musulmans pour sauver la France, car il y en a aussi. Et puis surtout, les Français de souche issus du petit peuple, auquel elle n'appartient pas d'ailleurs et qu'elle ne connaît pas vraiment, qui travaillent dans des boulots à côté de Français d'origine immigrée et musulmans, et qui eux font bien la différence entre Daesh et le musulman du quotidien, et qui d'un seul coup trouvent assez injuste son positionnement. Et je pense que ceux-là ont beaucoup dû se rabattre sur Mélenchon. Hein, voilà, bien sûr, tous. Alors, si on veut continuer à faire encore une fois un petit peu de sociologie électorale, quid des électeurs de François Fillon ? Se sont-ils, d'après vous, reportés majoritairement chez Macron ? Ça, on ne le sait pas, on n'a pas d'études, on aura ça. Non, mais par contre, il y a un ressenti, c'est la bourgeoisie catholique, il y a aussi un problème de style. Marine Le Pen, il y a un problème de look, il y a un problème de phrasé, il y a un problème de présence. C'est-à-dire qu'elle fait ni peuple comme Arlette Laguiller, ni bourgeoise comme Marie-France Garraud. Hein. Elle est quand même dans l'entre-deux de la nouvelle bourgeoisie de la banlieue ouest qui va danser à l'aventure et qui ne sait même pas chanter du Fréhel, mais qui chante du Sardou. Hein. Je veux dire, il y a un vrai problème culturel. C'est-à-dire que ça représente quoi On peut pas faire partie de la solution quand on fait partie du problème. Hein. C'est... Mais au sujet des catholiques, ça vaut pour beaucoup. Au sujet des catholiques, on a aussi un grand problème avec les évêques de France. On y revient. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Messieurs, je vous interromps. Nous avons Jacob Cohen en ligne. Monsieur Cohen, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Comment allez-vous ? Bonsoir. Salut Jacob. Oh, très bien, oui. très bien. Alors, Jacob... C'est une belle soirée. Une réaction, bon, c'est... Comment dire ? Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup au système électoral. Donc, je pense que la représentation politique qui est inventée par l'oligarchie dominante et donnant, une fois tous les 5 ans, la voix au peuple... C'est une arnaque extraordinaire et qui continue à marcher de tous les 5 ans. Et en fait, le peuple, enfin les citoyens ou les 2/3 de citoyens tombent dans le piège avec l'appui des médias, avec l'appui de tout le système qui crée toute une émulation, une écume pour attirer les gens dans un vote qu'ils regretteront de toutes les façons dans quelques mois. Moi, ce qui me fascine, c'est le niveau du citoyen français. Quand je dis encore le citoyen, c'est à peu près l'oligarchie dominante a besoin des 2/3 de citoyens qui marchent dans la combine. Voilà. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est que ces citoyens, pendant 3-4 ans, ils souffrent, ils vont souffrir encore une fois, et ils se disent, bon, moi, la prochaine fois, j'en ai marre de ce système, etc., etc. Et puis, 6 mois avant, ils se laissent prendre par tout un système de primaires, de trucs, et puis de programmes. Alors qu'on sait très bien, par exemple, prenons les programmes, on sait très bien que le président Chirac avait dit que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Les programmes, le président fait ce qu'il veut après. Mais pourtant, les Français sont en attente. Pour moi, j'ai une image de la relation entre les dominants et les dominés. C'est une relation... un peu sadomaso, fais-moi mal, mais avec de la vaseline et des mots doux, voilà. Des mots doux, c'est « on va vous régler le chômage, vous allez voir avec moi, c'est le renouveau comme, », comme avait dit un couple au micro de Vincent tout à l'heure. On attend quelque chose, voilà. Il y a une attente. Et après, il va y avoir une déception terrible, parce que là, on va rentrer vraiment... Ce qui va être catastrophique pour la France, c'est que 5 ans de macronisme, et moi je ne crois pas, je fais pas de projection du genre, il terminera pas son mandat. L'oligarchie est suffisamment forte et l'oligarchie détient pratiquement tous les pouvoirs en France pour maintenir ce système. Et tout ce qui reste peut-être même d'un peu de souveraineté, d'indépendance, le peu qui reste, je crois qu'on va encore s'enfoncer et je ne sais pas comment on peut vraiment s'en sortir. Moi, par exemple, ce qui m'intrigue, pourquoi par exemple le Front National ou d'autres partis n'ont pas parlé par exemple de la dette ? La dette, n'importe quel Français, si on lui explique bien que sous De Gaulle, la France a mené de grands travaux en empruntant à 0% à la Banque de France. Et la France n'était pas endettée. En 73, il y a eu cette fameuse loi, Rothschild-Pompidou, et la France a 2000 milliards de dettes. Pourquoi les partis, les organisations n'expliquent pas ça? Je suis sûr que si on matraquait juste, par exemple, un truc comme ça, eh ben, le peuple va se dire, mais oui, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça, etc. Alors on dit oui, la dette, comme ça, comme si la dette était apparue par l'action du Saint-Esprit. Et moi j'ai l'impression que les partis politiques, dont le Front National, s'engagent dans une espèce d'électoralisme qui ne convainc pas, finalement, ça veut dire qu'ils ne touchent pas, ils ne savent pas toucher le quotidien. Ils ne savent pas toucher par quelques problèmes bien ciblés, ils ne savent pas toucher vraiment le cœur des préoccupations. Voilà, on tombe dans des luttes qui recommencent les mêmes. Le même combat, et qui finalement, bon, de toutes les façons, on arrive, c'est la victoire de l'oligarchie, et on est parti pour 5 ans, et malheureusement, ça va être 5 ans très, très difficiles. Et ouais, c'est déprimant, voilà. Merci. C'est déprimant. Oui. Merci Jacob pour ce témoignage. Je vous en prie. En direct sur RFM. Ça va nous permettre de rebondir, effectivement, là, très bon sujet, la dette. C'est la pédagogie essentielle pour comprendre l'escroquerie du système. C'est cette dette qui est un racket, mais c'est un racket bancaire. C'est au Front National, normalement, de faire cette pédagogie pour que le peuple comprenne. Le problème, c'est que si tu parles de la dette, tu parles du système bancaire mondial et tu n'arrives pas aux musulmans. Hein ? C'est-à-dire que tu arrives à Éric Zemmour, quoi, pour le Front National. Et on voit bien que le Front National, qui aurait dû faire une pédagogie sur les fondamentaux qui lui permettaient d'apporter une contradiction radicale et crédible au système, en fait, Marine Le Pen, l'idéologie du Front National est une idéologie de frivolité. Hein ? Parce que pareil, quand on parle de souveraineté, comment peut-on oser parler de souveraineté quand on ne met jamais en cause la domination sioniste sur la France et qu'on ose montrer le danger du Bourget, de l'UOIF ? Ouais, on est, Allemands on est dans aussi. Les Allemands, c'est toujours la faute des Allemands. Soit on est le Front National, soit on est Polony TV, mais on n'est pas, je veux dire, faut pas raconter n'importe quoi. Le problème aujourd'hui, c'est pas les Allemands. En fait, soit on critique le système, et on critique réellement le système, c'est-à-dire la dette, la domination sioniste, la domination d'ailleurs américano-sioniste, etc., soit on fait semblant. Or, Marine, de temps en temps, elle nous fait plaisir parce qu'elle ne dit pas une trop grosse bêtise sur la Syrie. D'un seul coup, elle parle même du Veldiv, elle dit un truc assez cohérent, il y a une idéologie derrière, et tout de suite derrière, c'est contrebalancé par une phrase stupide de Maître Collard ou par une bêtise inouïe de Louis Alliot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse, aucune doctrine cohérente, et en permanence, le Front fait, comme je le dis tout à l'heure, un pas à droite et un pas à gauche en même temps. Ça se rappelle, à un moment donné, se retrouver en Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire en grand écart, les couilles au sol. Hein. Et en plus, c'est d'une très grande lâcheté. Et je crois, par exemple, notamment que des gens qui ont un peu de culture peuvent assez facilement comprendre l'arnaque. Et puis, il y a une dimension assez répugnante, c'est que quand on prétend combattre, par exemple, des puissances dangereuses en France, comme l'islam radical, je suis tout à fait d'accord, on doit montrer aussi qu'on en combat d'autres qui lui sont liés, d'ailleurs. Alors que ne faire semblant, comme je l'ai dit, de ne pas voir l'éléphant sioniste qui trône au milieu du salon et de faire le viril en chassant la souris musulmane qui court le long de la plinthe, c'est assez incohérent et assez dégueulasse. Or, c'est ça, le Front National. Le Front National, c'est aujourd'hui un parti de faux durs. Hein. Et à la limite, quand on se dit, au moins, le père, lui, Jean-Marie, peut-être qu'il ne faisait pas 35%, mais il était dans le sérieux, quelque part. Messieurs, nous allons écouter la première allocution d'Emmanuel Macron, président de la République française, en direct. Déroule le compteur rapidement, deux secondes. On peut remettre un peu de son ? Continue, c'est le test. Vous... direct. Hein. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Là, vous assistez précisément en direct à Emmanuel Macron qui est en train de parler à ses équipes pour leur demander de caler la lumière, le prompteur, la caméra, de manière. Voilà, il faut remonter un petit peu. Ah bah, il faut que le visage, si vous voulez, soit à hauteur de la caméra pour qu'on donne l'impression de s'adresser vraiment aux Français, les yeux dans les yeux. Tout ça se vit en direct ce soir sur BFM TV. Il faudrait être un peu plus pro quand même pour les prochaines prises de parole pour Emmanuel Macron. Il faut anticiper ça, monsieur le futur président de la République, lorsqu'on s'adresse au pays. Donc on y retourne quand ils sont prêts, bien sûr, en direct. Donc nous sommes avec Christian Jacob pour... Bon bah, petit bug technique. C'est hautement symbolique, hautement symbolique. Où est le prompteur, gueule l'autre. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le plateau, Christian Jacob, Malek Bouti... Et c'était Le Foll, Stéphane Le Foll, c'est ça. Voilà. Donc là, on a une très belle articulation. Pareil, Anna Cabana. Assez évocatrice. Maître, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Pas il me semble tout. Que vous parliez non, de l'électorat fioniste. Je me suis permis de juste placer un propos très bref, c'est pour ça que je l'ai fait. Sur les alors évêques. Que vous-même demandiez la parole. Bien sûr. Donc c'est tout, j'ai placé mon mot. Quand on réfléchit sur les catholiques, il faut d'abord réfléchir sur les évêques. Et j'en parlais avec des camarades, le problème des évêques... se règle très facilement. En une journée, vous nommez de nouveaux évêques partout en France et vous changez l'opinion des catholiques. C'est aussi simple que ça. Déjà, voilà une chose de fait, de réglée. Mmh. Bah si, mais ça me gênerait d'être coupé par Macron. Enfin, c'est pas une question d'orgueil. C'est le président de la République. Oui, hein. Bah oui, mais bon. Alors, je vais faire une petite blague courte. Avec l'autorisation de notre, d'Alain Soral. Il y en a qui sont rassurés aujourd'hui parce qu'ils ont eu chaud, ils ont senti le boulet passer très près, c'est les Polonais. Je vais devoir te couper la les parole. Les Polonais sont rassurés. Damien Viguet, coupé en direct par Emmanuel Macron. On rebondira tout à l'heure. Votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimé. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots que je viens de prononcer. Je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, à la coopération internationale, au respect des engagements pris en matière de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons sans faiblir. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Françaises, Français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant 5 ans œuvré pour notre pays. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont des chances, comme la révolution numérique, la transition écologique, le redémarrage de l'Europe. D'autres sont des menaces, comme le terrorisme. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Aimons la France. À compter de ce soir et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Vive la République, vive la France. Vous venez d'assister en direct à l'enterrement de la France, oui, parce que c'était assez triste et très émotionnel cette. Un bel exercice de sodomie. Maître Viguier, pourquoi les Polonais sont rassurés ? Excusez-moi. Les Polonais sont rassurés au même titre que les trisomiques, que les malades mentaux. C'est sympa pour les Polonais. Oui, mais rappelle-toi quand même que Marine aurait pu envahir la Pologne. Ah, c'est vrai. T'as pas connecté là. Ah non. On est sur le nazisme quand même. Mais ouais, mais bien sûr. C'est quand même la défaite du nazisme. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui respirent chaud. On a eu chaud. Bien sûr. Moi, je m'étouffe, mais d'autres respirent. Allez-y, maître. Relever le niveau. On me le reproche souvent. Et là, on va me reprocher de relever le niveau après les propos du président de la République. Il faut noter que l'alliage suffrage universel et pouvoir mondial de la presse, c'est meurtrier pour les nations. Tant qu'on aura le suffrage universel accouplé avec ce monopole... Excusez-moi, maître, je vous coupe. Encore. On a Dieudonné. C'est le running gag de la soirée, c'est le fil rouge de la soirée. On coupe Damien Viguier. Dieudonné, est-ce que vous nous entendez ? Ça a coupé. Ah, les problèmes techniques, c'est normal. On va repasser un coup de téléphone. Sont-ils techniques ? Alors, monsieur Viguier, est-ce que vous tentez de reprendre la parole ? Je ne tente pas, vous avez de la chance avec moi que je sois capable de suivre le fil de ma pensée. Alors, l'alliage, suffrage universel, c'est-à-dire droit de vote pour les femmes, pour les jeunes, pour droit de suffrage universel, plus pouvoir mondial d'une presse déracinée, c'est pour une nation, n'importe laquelle, meurtrier. Et vous observerez que les seules puissances qui arrivent à résister au mondialisme, c'est soit la Russie, parce qu'ils tiennent leur presse nationale, soit la Chine, parce qu'il n'y a pas de suffrage universel en Chine. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut enregistrer. On peut être une grande puissance, on peut être une nation prospère et heureuse sans le suffrage universel. Le fait de voter ne rend pas heureux. D'ailleurs, ça, personnellement, je le confirme, c'est déprimant, hein, le vote. Hein, et... bon. Alain Dardan-Dieudo, Félix Niche, démocrate devant l'éternel. Le suffrage universel, France, suffrage universel masculin, 1848, les ouvriers parisiens descendent dans la rue, les armes à la main, et se battent avec la garde républicaine bourgeoise. Pour calmer, pour noyer la révolution révolution ouvrière parisienne, la bourgeoisie rusée crée à ce moment-là le suffrage universel masculin parce qu'ils savent que toutes les campagnes qui ont été repues par le partage de la grande propriété féodale qui sont les plus nombreux vont les noyer. Oui. 1848, 1947, suffrage avec les bonnes femmes. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est le Parti communiste qui traînait les pieds, qui avait demandé à son cinéaste, le fils du... Excusez-moi, je perds la mémoire des noms. Le fils du peintre, là, il a un nom de peintre. Renoir. Et Renoir, j'ai vu les films à la Cinémathèque, a fait une série de films pour éduquer les femmes à préférer les ouvriers révolutionnaires aux curés. Donc, on sait bien que l'arrière-pensée de l'oligarchie à ce moment-là, quand la France était à reconstruire, qu'il y avait plus d'armée, Félix plus de police. Félix Niche, je vous coupe. Mais avec plaisir. Allez, à l'instar de Damien Viguier. Dieudonné, êtes-vous en ligne? Dieudonné, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous entend. Bravo la technique. Bienvenue en direct sur ERFM. Bienvenue, merci à vous et puis bonjour à tout le monde. Alors, en tant que futur président du Cameroun, que vous inspire de la prochaine rencontre avec Emmanuel Macron? J'ai l'impression que c'est un chassé-croisé. Il y a une africanisation de la France. Et c'est fou, quoi. On a l'impression d'avoir des mecs qui sont aujourd'hui... J'étais en train de penser et d'écrire une petite chanson. C'est Macron, président de la République française. Tu es notre sauveur, tu es notre père. On a vraiment la sensation qu'on se fout de notre gueule à un niveau, si tu veux. C'est Mais bon, écoute, en tout cas, c'est... voilà, bienvenue en Afrique. Bienvenue en Afrique. Alors, Emmanuel Macron, c'est significatif aussi. Tu faisais allusion à République bananière, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors... C'est ça, on est. C'est extraordinaire ce qui est en train de se produire et c'est tellement gros qu'on a vraiment la sensation d'être au Cameroun dans les années 60. Quoi. l'élection de Macron, est-ce que ça doit signifier certainement le retour de Manuel Valls? C'est plutôt quelque chose qui vous inspire. Oui, de Golda Meir aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que là, le foutage de gueule est tellement énorme, alors que on est dans une société où l'information, Internet, se développe. C'est incroyable qu'ils aillent jusqu'à ce type de culot, quoi. Écoute, en tout cas, voilà, on a Macron président. Bon, très bien. Macron président, on va le porter comme un fardeau. Messieurs, un commentaire, un petit mot à Dieudonné, Alain Soral. Non, moi je voulais rebondir sur tous ces politiques qui n'ont que le mot république à la bouche, hein, parce qu'ils sont toujours républicains, la république. Je rappelle quand même que la république, bon, on a compris que c'était la loge et que derrière la loge c'était la synagogue, mais si on revient à l'origine, la république c'est quoi? C'est la révolution française, ça consiste à couper la tête des gens avec une guillotine et à qui? Il y a des gens qui ont trop abusé pendant trop longtemps. Hein. Donc moi je veux bien à un moment donné qu'on remette vraiment la république en bonne place, mais ça veut dire normalement qu'il faut couper la tête à tous les types qui sont derrière Macron et à Macron lui-même. Hein. Soyons authentiquement et étymologiquement républicains, je crois, pour demain. Hein. Bon, en tout cas, il y a menace au chef de l'État. Merci à vous. Merci à vous de donner. Hein. Et puis, avec grand plaisir. Et puis, j'espère que, enfin, de toute façon, on va être amené. Je crois que le débat va être lancé, là, et on verra si les législatives, s'ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont reproduit pour les présidentielles, c'est-à-dire une élection africaine. D'ailleurs, c'est hallucinant, quoi. Ça fait du matos. On peut peut-être parler un peu des législatives, d'ailleurs, hein, de la tambouille. On vous remercie pour le coup de téléphone. Hein. Merci à vous. À bientôt. Salut Dieudo. On va rendre la parole à Viguier. Oui, on a évoqué la menace. On a évoqué la menace au chef de l'État. Là, je lance un appel par une information juridique aux gens qui auraient l'intention de poursuivre en justice Emmanuel Macron, notamment pour les diverses malversations supposées. Il est encore temps de le faire. Parce que tant qu'il n'y aura pas l'investiture, hein, le passage de témoins entre Hollande et Macron, il n'est pas encore, ce soir, il n'est pas encore président de la République. Hein. Oui, c'est vrai encore, qu'il y a le Macron... C'est encore François Hollande. Le Macron leaks, là. Le Macron leaks, là. Il semblerait qu'il y ait du lourd, quand même. Hein. Ouais. Quand je vois les petits qui ont gueulé Marine en disant « rendez l'argent », là, c'est quand même incroyable que les Macroniens osent dire « rendez l'argent » quand tu vois ce que Macron a fait par rapport à SFR, par rapport à Alstom. C'est quand même l'inversion accusatoire systématique. Il y a quand même peu de chances que les Macron leaks deviennent le Macron guette, a priori, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Sinon, ce qu'on disait sur les élections, là, pour reprendre le fil avec, oui, c'était bien. Avec les Mélenchoniens et même l'extrême gauche, là, on pourrait être d'accord avec eux. C'est-à-dire que le fascisme de la banque et le fascisme international de l'argent, c'est les élections. En fait, les élections sont fascistes, en ce sens. Les pays socialistes suppriment les oui, élections. C'est la première règle. La vraie phrase, démocratie, c'est... elle est directe. Et d'ailleurs, j'ai pensé beaucoup aussi ces derniers temps à Chouard. Parce que ce qui est intéressant avec Chouard, c'est justement qu'il remet en cause le dogme. Pas du verbe Chouard, on est d'accord. Étienne. Il remet en cause le dogme de l'élection. Alors il le remplace par un tirage au sort en oubliant que dans l'Antiquité, on ne tirait pas au sort dans n'importe quelle population. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Hein? Bien sûr. Et les élections, elles sont valables et on peut comprendre le sens de ce qu'est une élection au sein d'une association, au sein d'une société anonyme. C'est au sein, le principe de subsidiarité. Au sein d'un monastère, au sein d'une famille même, au sein d'un clan, au sein d'un village ou d'une ville même. Mais au sein de... Pour commander un État, non, ça n'a aucun sens. Tu connais la parole de Marx, choisir tous les 4 ou 6 ans, c'est les chiffres qu'il dit, quel membre de la classe dirigeante foulera aux pieds nos aspirations et notre droit à la vie. Telle est l'essence du suffrage universel. Donc là, on rejoint les antifas, ouais. Je pense. Mais ils ne connaissent pas Marx, les antifas, c'est des cons. Sur ce plan-là. Non, mais à la limite, Mélenchon ayant un peu fait monter le niveau par rapport à ce qu'était le NPA, il ne faut pas oublier, il y a quand même un résultat intéressant dans cette élection, c'est le taux d'abstention assez fort des Mélenchoniens. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les envoyer à l'abattoir sur l'antifascisme et l'antiracisme comme du temps de Besancenot. Et Mélenchon pourrait être crédible et à la limite contrer le Front National, est obligé de faire monter un peu son niveau par rapport au NPA, mais c'est à double tranchant, parce que quand tu fais monter le niveau et que tu reviens sur des fondamentaux de la gauche sociale authentique, l'antifascisme et l'antiracisme s'effondrent un peu comme argument de soumission. Donc il faut voir un peu 2-3 trucs positifs dans cette affaire, c'est que Mélenchon n'a pas ouvertement appelé à voter. Il a réussi à ne pas dire le mot, tu sais, de quoi Macron est le nom. Il a réussi à pas prononcer Macron. Donc ça, c'est pas si mal que ça, parce qu'on a essayé quand même violemment de lui tordre le bras, je crois, dans son entourage. Et il y a eu une abstention assez forte des Mélenchoniens. Et moi, comme je ne suis pas, contrairement à ce que certains ont dit, payé par le Front National, mais que je soutenais le candidat le mieux placé dans ce combat pour le peuple et la nation, je me dis que demain, il faut faudrait tenter peut-être des convergences entre Nicolas Dupont-Aignan et Mélenchon, si Mélenchon effectivement arrive à être un peu plus clair sur certains sujets, parce que je vois pas très bien, si on parle des législatives, où est-ce que va se situer le noyau dur de la résistance au mondialisme. Mais il est là, il est entre Mélenchon et... Oui, voilà, oui, mais il est pas au front, quelque part, parce que là, si on... Il y a plusieurs sujets dont on pourrait parler, c'est d'abord, personne ne peut dire qui va être le premier ministre de Macron, le sait peut-être pas lui-même, quand même incroyable, on ne sait pas du tout où il va aller chercher. Dans la manif du 1er mai, on entendait Mélenchon-Matignon. Ouais, non, mais il est évident, je jure, hein. Si on veut réfléchir, que Mélenchon pourrait être appelé lors d'une cohabitation, oui, au bout de 2 ans, quand Macron ne pourra absolument plus gouverner, tellement il aura effectivement sodomisé le peuple de France. Et là, à mon avis, le joker Mélenchon peut servir. Hein, une cohabitation avec un type de gauche et une espèce de Tsipras, là, et qui lui, effectivement, accepterait, parce qu'il a quand même un rêve de pouvoir, et on pourrait même pas lui reprocher. Hein. Donc je pense que de toute façon, Mélenchon est quand même un joker du système, qui a aussi sa carte personnelle à jouer. C'est qu'il est celui qui va contribuer à l'effondrement du Front National, qui à mon avis a atteint son maximum et ne peut que redescendre maintenant. Hein. Et puis, il peut être effectivement sauver le système pour un ou deux ans de plus si à un moment donné, un système Macron à bout de souffle appelle Mélenchon comme Premier ministre. Ça serait une cohabitation étrange. Mais à mon avis, tout ça est dans les cartons. Hein. Tout ça est possible. Hein. J'ai une pensée pour tous les gens qui sont vraiment malheureux ce soir, sincèrement malheureux parce qu'ils y ont cru. Tous ceux qui, même comme on dit, les petites gens qui mettaient tous leurs espoirs dans Marine Le Pen. Je pense que ces gens-là, il faut essayer de les consoler ou leur dire de ne pas désespérer, de continuer à travailler, à réfléchir, à sortir de l'isolement, à militer, à lutter même. Il faut... Ou leur dire le contraire. C'était... De ne pas militer, de ne pas lutter, de prenez le détachement, la politique c'est fini, c'est pourri, le monde est une farce, la vie est courte. Alors la prière, faites rien. Non, mais laissez tout tomber. C'est aussi une optique. La prière, c'est une optique aussi. Bah, c'est une optique, hein, parce que le chapelet. Le vrai message de Jésus, c'est ne vous occupez pas de la politique, c'est de la merde par essence. Le vrai chrétien dit ça. Face à un tel système de verrouillage, parce que quand même, bon, on critique le Front National, etc. Mais de l'autre côté, la France est quand même un pays où, effectivement, l'oligarchie a un contrôle total par le politique, les médias, les réseaux maçonniques. Il y a peu de pays au monde, à mon avis, qui soient autant sous domination oligarchique et antipopulaire que la France. Hein. On est sans doute un modèle pour l'Empire. Oui, on pour a l'Empire. Une démonstration. Là. Hein, oui. Parce qu'on est un pays très important. Donc, ce qui veut dire que peut-être que les religieux n'ont pas tort en disant qu'il y a que... d'ailleurs, c'est ce que disait notre camarade Pierre Hillard. Il disait qu'il n'y a qu'une intercession divine qui peut permettre de chambouler tout ça, tellement le système est fort. À la limite, prions aussi. Hein. Alors, une intercession divine nous a rejoint. Et il a l'air bien triste, notre ami. Vincent Lapierre, en direct sur RFM. Mais cette notre fois-ci, Christ du reportage. En chair en os, il est revenu dans les studios d'Égalité et Réconciliation. Vincent, quelle est la teneur de ce reportage? Eh bien, écoutez, je crois que vous avez vu mes deux premiers reportages là sur l'électorat Macron-Marine, oui. Hein, qui met en évidence. Ah oui, celui-ci, oui. Oui, qui met en évidence le fait que les électeurs de Macron ne savent pas pourquoi ils votent Macron. J'insiste sur ce point. Et effectivement, alors, ce qui est. Bon, là, je reviens de l'esplanade du Louvre, où Macron va arriver probablement dans une petite heure pour fêter sa victoire. J'ai pu interviewer, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Et c'est toujours le même discours qu'on me resserre, systématiquement la même chose. Et quand on les met face à leurs contradictions, ce que j'essaie de faire, eh ben, ils éludent les questions. Ils n'admettent pas que Macron est le candidat des banques, le candidat du système, ou du moins, ceux qui l'admettent disent « oui, mais c'est bien ». J'ai l'impression qu'il y a un aspect qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que les gens... Certes, une partie de la population française aime cette domination. Voilà. Aime. Oui, c'est la soumission, quoi. C'est-à-dire, le pouvoir est le pouvoir. Macron est le pouvoir. Nous sommes le peuple. Nous nous soumettons au pouvoir, car tel est notre rôle, notre fonction. C'est pas aimer la soumission. Ils n'aiment pas la soumission parce qu'ils ne le pensent pas comme soumission. Oui. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils identifient leur être à l'être Macron. Parce que c'est plus un problème d'ontologie que d'idéologie. Moi, je pense que la seule différence que j'ai avec toi, je te le dis souvent, on en discute amicalement, c'est que tu surestimes l'idée de la conscience, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des opinions qu'il faut expliquer aux gens qui ne savent pas pourquoi ils votent Macron. Finalement, pour moi, ça me renforce dans ma conviction que leur être là, maintenant, tel qu'il est, est représenté par Macron. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ce qu'on appelle ceux qui jouissent de la mondialisation heureuse, qu'on peut nommer. On revient aussi à ce que Michel Kluska appelait l'inconscient de classe. C'est des gens qui profitent de la société telle qu'elle est. Oui, mais ça fait pas 65%. Non, c'est sûr que ça fait pas 65%. C'est-à-dire que les gagnants de la mondialisation ne sont pas 65% de la France. Donc là, il y a le problème de la conscience limitée. Mais par contre, que des gens qui sont des vaincus de la mondialisation admirent et adhèrent, comme on admire des champions ou des stars, se disent « bon, ben, nous, on n'y a pas droit, mais on admire et donc on vote pour ceux qui y ont droit ». Il y a aussi tout le système, de la staritude et de la starification, qui est-à-dire le petit moche et triste et pauvre qui va quand même ramper pour voir les stars monter sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça, mais ça effectivement c'est la dimension, on va dire, du peuple inverse à celle que nous a vendue la Révolution française et la démocratie. C'est-à-dire c'est pas le peuple fier de lui-même et étant le pouvoir légitime dans la démocratie, c'est le peuple au sens de sujet de sa majesté, mais une majesté sans aucune majesté, hein, parce que c'est... Et là en fait, c'est ça. Hein. On est retourné à des sujets. Mais au lieu des sujets du roi, c'est des sujets de la domination bancaire. Après, on pourrait parler aussi des lobbies. Hein. C'est qu'il y a quand même deux puissants lobbies en France, le lobby juif et le lobby gay. Et je veux dire, Macron, quand même, à la croisée des deux. Hein. Féministe gay, ouais. Oui, c'est le Bank Rothschild de Gay Friendly. Hein. Ouais. Et ça aussi, c'est quand même des réseaux de puissance, sur, par exemple, notamment médiatiques, et qui gèrent aussi la culpabilisation des Français, parce qu'il n'y a pas que la culpabilisation raciste, antiraciste, il y a la culpabilisation des hétéros, la culpabilisation des beaufs, tu sais. Genre, à la limite, on nous a presque vendu subliminalement la différence de Macron, qui était la modernité, le côté LGBT, tu vois, marié avec une cougar, tu vois. On va avoir une première dame cougar. Ça aussi, c'est la modernité. C'est, à la limite, c'est le sens de l'histoire pour les cons, tu sais. Effet beaufil, pour être précis. Effet beaufil. Effet beaufil, elle, oui. S'il ne nous fait pas son coming out une fois arrivé à l'Élysée et qu'on se retrouve avec un couple gay à la tête de la France, ça pourrait être... Alors, est-ce qu'on est... Oui, mais c'est ça la gauche, quelque et part. La culpabilisation, c'est ça le progrès. Le progressisme, ouais, c'est ça. Et ça va même jusqu'à la culpabilisation des gens en bonne santé. Au nom du respect du handicapé, encore une fois le trisomique. Oui, bah ça c'est Mimi Mati, tu sais, la série télé d'Ange Gardien. Maintenant, tu as aussi un policier en fauteuil roulant, t'as vu ? Il y a aussi une série de mecs qui sont dans un vestiaire de piscine, c'est handicapés, vrai, mais à poil. Il y a toute cette idéologie qui s'est quand même bien mise en place, avec notamment, tu sais, le feuilleton de ce qui est sur le soir sur la 3. Tu sais, plus belle la vie. Marseille. Plus belle la vie, voilà. Toute cette idéologie plus belle la vie, à laquelle nous on résiste parce qu'on est sur les réseaux sociaux et puis que peut-être on a un certain âge, elle pénètre quand même le citoyen français, profondément. C'est-à-dire que ça passe pas par le logos, hein. Ça passe pas par la raison. Hein. Le matraquage et l'émotionnel. Oui. On en parlait d'ailleurs dans une conférence, c'est que nous, avec nos arguments raisonnables, ça nous rappelle Kluskar face à ces gars-là. C'est ça. Hein, qui dit, effectivement, je suis vaincu. Un philosophe ne peut rien face à un sophiste. Ouais. Et effectivement, l'émotionnel, c'est plus immédiat et plus facile à manipuler que le rationnel. Ouais. Et donc, dès qu'on est dans des logiques de masse, on va dire que l'émotionnel gagne sur le rationnel. Hein. C'est-à-dire, l'argumentaire, la concaténation a perdu face au slogan. Hein. Et avec la féminisation, y compris d'ailleurs Marine, on est quand même sur le triomphe du slogan. Oh, Marine par rapport a été plus viril que Macron. Non, mais d'accord, non, brutal, c'est pas viril. Il n'y a pas de vision synthétique. Elle n'a pas été capable à aucun moment donné de produire une vision synthétique, de rebondir au coup par coup, de faire des sauts analogiques. Je suis désolé, non. Elle était perdue dans ses fiches. Et même Macron était meilleur. Bon, il avait une oreillette, ceci dit. Là aussi, l'amateurisme du front. Macron avait probablement une oreillette. Marine n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il avait des gens qui lui dictaient les bonnes réponses et les bons chiffres. Il n'était pas obligé de se perdre dans ses notes. Mais quand, à un moment donné, il rebondit face à Marine et lui dit Vous êtes la candidate de la guerre civile et moi de la réconciliation nationale. Là, c'est ce qu'on appelle, c'est sa capacité quand même à réagir du tac au tac. Marine, la seule fois où je l'ai vu dire une phrase brillante, c'est « Vous avez parlé pendant 7 minutes, on n'a rien compris, vous n'avez rien dit ». C'est la seule fois où elle a été intelligente, brillante et subversive de toute la campagne pour moi. Pour le reste, elle a récité un catéchisme avec toujours la pauvreté de vocabulaire, mondialisation, dumping social, des trucs que j'avais amenés au front dès 2006. Hein. On n'a pas réussi à aller au-delà. Hein. Ce qui a fait dire Mélenchon a fait bien mieux, quoi. Ce qui a fait dire à un de mes amis, celui que je citais en arrivant, que c'est un processus de magie noire, parce qu'il a vraiment pensé, c'est un artiste qui veut pas que je dise son nom, qu'elle était dans un procès où elle était tétanisée et où les deux journalistes d'ailleurs faisaient pas leur boulot. Hein. Ouais, mais ça c'est parce qu'il y a il y a un cahier des charges de neutralité. Ah, tu sais qu'ils avaient le droit à rien comme intervention. Ah, tu vois, ça c'est aussi le. D'accord. Vincent, toi qui arrives de Paris, quelle est l'atmosphère dans la ville, dans la capitale ? Alors, ce qui est intéressant et que j'ai noté, c'est que tous ont un drapeau français. Ils distribuent des drapeaux français à l'entrée de l'esplanade des pieds du Louvre et très peu de drapeaux européens. Mm-hmm. Le drapeau arc-en-ciel, ils l'ont rangé pour ce soir. Il ne fallait pas trop que ça se voit à la télé. Et beaucoup d'entre eux ont des figures peintes aux couleurs de la France et de l'Union européenne. Ouais, comme pour un match de foot, en fait. Ils ont dû recevoir des SMS avec instructions. C'est logique. Mais effectivement, on avait l'impression qu'il y avait un match ce soir. C'est logique, ils ne peuvent pas humilier comme ça en montrant que c'est la défaite de la France. Donc ils reprennent les couleurs de la défaite. Oui, mais ça prouve qu'ils ont avancé, qu'ils font maintenant à l'américaine, parce que du temps d'Hollande, c'était quasiment les drapeaux algériens, drapeaux tunisiens et ainsi de suite. Quoi. Là, c'est quand même bon. Ils ont géré la communication. Quoi. Par contre, ce que je vois, c'est que là, on voit des plans larges de l'esplanade du Louvre. Ouais, c'est la liesse. En réalité, il y a moins. C'est petit. Il y a moins de monde que ça. Là, ça donne vraiment l'impression qu'il paraît qu'il n'y a pas grand monde. Oui, oui. Bah, c'est petit l'esplanade. Ce qu'on appelle l'esplanade du Louvre, c'est le carré du Louvre. Ouais, là, c'est petit. Bien sûr. C'est très petit comme espace. Sur les images, sur BFM TV, on a l'impression que c'est. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui se pressaient et qui pouvaient pas rentrer? C'est ça que je veux savoir. Non, il y avait beaucoup de vide. C'est le plein. Ah, il y avait du vide dans l'esplanade du Louvre, qui est déjà. Ils ont annoncé au Champ de Mars parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Non, il y avait du vide. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. C'est le candidat du vide en même temps. Hein, donc. Il y a un chiffre qu'on ne connaît pas, c'est l'abstention. C'est très important. ça viendra. Oui, mais c'est très important pour penser cette élection. Oui, oui. Ah, si on pourrait peut-être parler un peu, par exemple, des législatives, parce que là, immédiatement derrière, c'est les législatives. Si on est un peu naïf, on se dit, bon, bah, le Front a été le deuxième parti, puisqu'il a fait 35, donc ils vont prendre 35% des députés. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Voilà. Xavier, toi qui es un peu un pro de la cuisine. Hein, ce que je vois, c'est que le Front National aura grand maximum entre 20 et 40 députés, mais à mon avis, on sera plus proche de 20. Il va y avoir une recomposition, à mon avis, entre trois forces. Mélenchon qui est sur une belle dynamique. Macron, quoi qu'on en dise, est aussi sur une belle dynamique. Et puis le Front National. Et je pense que les gens qui sont derrière Macron, leur organisation et leur méthode vont faire que beaucoup de gens chez les Républicains ne vont pas avoir d'autre choix que de se rallier à Emmanuel Macron. On l'a déjà plus ou moins abordé en début d'émission avec le ralliement express de François Fillon qui, à mon avis, avait peur que d'autres choses sortent sur sa vie privée. Ça ne peut expliquer, ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Védrine, ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Galouzeau de Villepin, ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Jégot, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on sait que beaucoup d'hommes politiques dans la vie sont tenus par des affaires de cul. Et quand on sait que celle qui dirige la communication d'Emmanuel Macron et la même personne qui abreuve Closer, Voici et toute la presse à scandale. Il y a un très bon portrait d'elle dans le dernier fait et document. Hein. Voilà, qui s'appelle Michel Marchand, qui a un parcours, qui a fait de la prison, qui vient du monde de la nuit, qui a géré les affaires pour Régine Choucroune dans les années 80-90. Quand on voit que dans cet entourage, on retrouve également Ramzi Kirun, qui a été le bras droit de Dominique Strauss-Kahn pendant des années, chargé de menacer les journalistes pour cacher qu'est-ce qu'était réellement la vie de Dominique Strauss-Kahn. Quand on voit tout ce monde souterrain, il y a aussi Jean-Marc Borello, dont on a mis la biographie sur le site. Oui, on touche à du trafic de drogue, à de la pédophilie. Voilà, dont le nom a été cité dans l'affaire Mégel, à un institut de rééducation des enfants qui s'est soldé par un scandale de pédophilie. Quand on voit tous ces réseaux en profondeur et qu'on sait à quel point la classe politique est tenue par des affaires de cul, je pense qu'on est face à une opération mafieuse pour obtenir des ralliements de toutes parts, et que les gens se taisent. Et beaucoup de gens vont aussi perdre leur circonscription, vont perdre leur siège de député, en imposant une nouvelle génération, puisqu'il faut absolument vendre le renouvellement de la vie politique, avec toute cette génération qui va arriver biberonnée, comme on l'a dit, à Dominique Strauss-Kahn, prof d'économie à Sciences Po, et Richard Decoing, qui dirigeait Sciences Po. C'est cette nouvelle génération à laquelle on va avoir affaire. Ce qui est incroyablement immoral, et là on est vraiment dans l'idée de l'inversion accusatoire et de la outspa, là, c'est que les gens aujourd'hui qui font chanter, on va dire, des pauvres types comme Fillon, alors qu'on pouvait lui reprocher pratiquement rien, il faisait exactement ce que faisaient tous les autres, sont des gens qui ont des casseroles 10 fois plus graves en termes de détournement de fonds, comptes planqués, collusion, affaires de mœurs, mais comme ils tiennent intégralement le système, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'en fait c'est eux qui gèrent les dossiers secrets, et c'est eux qui décident ce qui sort et ce qui sort pas comme image. C'est-à-dire qu'on a des hauts délinquants qui osent dire à Marine Le Pen sur des embrouilles ridicules là du Parlement européen, rendez l'argent, hein. Et c'est ça qui est, il y a un effet de sidération, c'est que il est évident que Macron, le peu de temps qu'il a été comme ministre, il a facilité des ventes avec forcément des trucs qui ne peuvent pas, où il ne peut pas y avoir de rétro-commission, il ne peut pas ne pas y en avoir, etc. Les médias s'acharnent sur un Fillon ou sur une Marine Le Pen, et ces gens-là, eux, sont intouchables, alors que même d'ailleurs, il ne suffit pas d'aller chercher très loin pour trouver qu'il y a des choses très très louches dans la feuille d'impôt de Macron, dans le rôle qu'il a joué par rapport à Alstom, par rapport à SFR, etc. etc. C'est-à-dire que et c'est là où même Marie n'a pas osé tellement aller au baston. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'ils en ont rien à foutre, par exemple, de l'homophobie. Quand on voit qu'on nous bassine toute la journée avec l'homophobie, le droit des homosexuels et ainsi de suite, et qu'on voit que Closer a eu aucun mal à sortir les photos de Philippot avec son giton en week-end à Vienne, avec des sous-titres bien fielleux, du genre oui à l'amour pour tous, machin, où il passait bien pour un compte PD, et ça a dérangé personne, alors que c'est les mêmes qui, toute la journée, nous rabattent les oreilles avec le respect des différences sexuelles, du genre et du machin. Donc on voit que c'est des gens qui ne reculent devant rien, qui ont des dossiers sur tout le monde. C'est un circuit qui va du Canard Enchaîné à BFM, en passant par le ministère de l'Intérieur, Closer, enfin... vraiment, il y a une dérive qui est très, très, très, très grave. La seule chose qu'on peut espérer, donc, c'est une bagarre entre eux, tu sais, pour que les affaires sortent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Macron, qui est quelque part un pantin, comme il est élu président, qui d'un seul coup, il a une espèce de désir d'autonomie, et qu'il y ait des clans qui s'affrontent derrière voilà. lui, parce que c'est très composite ce qu'il va y avoir voilà, derrière on peut lui, voir... et qu'il y ait des règlements de compte, et que là, il y a des trucs qui sortent, parce que t'as Valls qui se tire. Est-ce que les réseaux Valso-Sarkozy, qui passent par Bauer, pour rentrer dans la boucle Macron, parce qu'à mon avis, l'entourage d'Emmanuel Macron, qui est plutôt les hauts fonctionnaires homosexuels issus du catholicisme de gauche, veulent mettre sur la touche les réseaux valso-sarkozistes. Est-ce que ceux-là n'ont pas aussi des cartouches à envoyer? On va voir aussi, on peut aussi s'amuser. On est de retour en direct sur ERFM et nous accueillons Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, comment allez-vous ? Bonjour, bah ça va, comme un jour de présidentiel. C'est une soirée un peu consternante à laquelle on assiste. Je crois que moi j'en suis à ma 6e ou 7e élection présidentielle. J'ai jamais vu une telle ambiance de flottement à nouveau comme le résultat du premier tour. Il y a aucune liesse, aucun semblant de victoire. Tout à l'heure j'ai pris une voiture là. Ça klaxonnait un petit peu, mais sans plus quoi. On sent vraiment que c'est qu'il y a quelque chose, que c'est une élection qui est faussée. On va dire ça comme ça. Personne n'est dupe. On va dire ça comme ça. Alors peut-être pour donner un autre angle à cette élection en termes économiques. Qu'est-ce que ça augure ? Peut-être que vous en avez parlé un petit peu avant, parce que je n'ai pas entendu. Donc, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir et qui me semble extrêmement important, c'est la censure. C'est la censure brutale qui s'est abattue d'une part sur le web, qui était le média totalement indépendant. On est tous bien placés ici pour le savoir. Et d'un seul coup, vous avez Facebook a fermé à peu près 30 000 comptes. Twitter a commencé à limiter certains propriétaires dans la diffusion de leurs images. Il y a même des comptes qui ont été censurés. Et on a vu avec l'affaire Macron Leaks qu'un cordon sanitaire médiatique de protection a été mis en place depuis longtemps. Ça a été bien calculé vraiment à l'avance. Et donc je pense que là, on entre dans une ère de censure, je dirais à la Goebbels, hein, puisque Goebbels était le grand maître de la censure du Troisième Reich. Là, on est dans le Quatrième Reich de l'Allemagne. Hein, je parle économique, bien sûr. C'est vrai que Macron, c'est Deutschland, Uberisation. C'est Deutschland, Uberless. Hein, c'est surtout Deutschland, Uberless. Merkel, Uberisation. Est-ce que vous avez vu cette photo superbe? Je crois que c'est Reuters qui l'a faite. Cette photo absolument sublime où on voit Angela Merkel assise dans un canapé et Macron assis à ses pieds. Oui. Et je trouve cette photo extraordinairement symbolique. D'ailleurs, Macron est extrêmement clair. Il ne cache pas son jeu. Il dit, moi, je vais faire ma politique avec l'Allemagne. Je ne serai pas contre... Je vais défendre les intérêts de l'Europe. L'intérêt de la France, des Français, ils s'en foutent un peu. C'est l'Europe avant tout. Et il le dit tout le temps. Il reprend... N'oubliez pas, il a repris ce terme à Marine Le Pen. Je veux vous protéger. Mais il a dit... Lui, il dit, l'Europe va vous protéger. Et donc, ce cordon sanitaire qui a été mis en place pour empêcher les WikiLeaks, hein, parce qu'on a appris plein de choses dans les WikiLeaks, là, dans les mails d'En Marche, c'est absolument génial. D'une part, que toutes les nénettes là, qui travaillent, elles sont payées 36% moins que les mecs qui travaillent pour En Marche, donc c'est déjà amusant. Ensuite, il y a toute la politique sur l'intégration de l'islam en France, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses, et encore, c'est pas fini, parce qu'il y a 9 gigas de documents, donc je pense que ça, on aura à peu près un mois hein, pour faire le tri, et encore... Peut-être jouer sur les législatives. Ça peut jouer sur les législatives. Alors beaucoup disent oui, c'est un coup des Russes. Sincèrement, en tant que journaliste depuis 30 ans, des coups tordus, on en a vu pas mal. Mais si ça avait été un coup des Russes ou de quelques services de renseignement, je pense qu'ils l'auraient fait quand même avant les présidentielles ou du moins pas un petit peu bien avant, pas à 2 jours des élections. Hein, ça me paraît évident. Alors l'excuse qui était donnée, c'est qu'en fait, le batch a été balancé sur Wikileaks et que Wikileaks était en rade. C'est-à-dire, en fait, il y avait trop de documents, etc. Ils ne pouvaient pas l'examiner. Et donc, suite au retard de Wikileaks, c'est là où ils ont décidé de le balancer sur le site 4chan. Voilà. Mais il est certain que là, ça peut jouer. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Assange cet après-midi, qui a dit qu'il avait un autre batch ça doit concerner En Marche et le PS, comme quoi il pourrait envoyer François Hollande en prison. Bon, moi je trouve ça absolument extraordinaire et je pense qu'effectivement, aux législatives, ça va jouer. Alors, est-ce que le cordon sanitaire, est-ce que l'interdiction, est-ce que la censure totale va s'abattre sur des sites, sur les sites qui résistent, hein, comme le nôtre? Je veux dire, il y a, voilà, le vôtre, le mien, il y en a plein d'autres, hein. Enfin, pas tant que ça finalement, hein, on est pas tant que ça. C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Mais une chose est sûre, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, la France telle qu'on l'a connue, la Ve République telle qu'on l'a connue, n'existe plus. On est rentré, et Alain l'avait très bien résumé il y a 15 jours, il avait parlé d'un parti unique, on est rentré dans le parti unique. C'est-à-dire que c'est l'illustration absolue d'un livre que vous connaissez tous, hein, 1984, hein, avec le langage qui dit le contraire de ce qu'il veut vraiment dire, avec toutes les caméras qui surveillent ce qu'on fait, ce qu'on dit, et ainsi de suite. Eh bien, on est en plein dedans. C'est tout à fait extraordinaire. En parlant de ça, parce qu'on n'a pas abordé, c'est l'histoire du big data, tu sais. L'idée que maintenant tout le monde a un compte Facebook, et par les comptes Facebook, oui, on arrive à faire une vision très très précise de la société, qui permet par ce micro-ciblage, en amont, d'avoir une stratégie pratiquement scientifique pour monter notamment la campagne Macron, savoir ce qu'il faut faire, etc. Et envoyer des messages aux personnes qui sont les plus susceptibles de voter. Et n'oubliez pas que derrière Macron, il y a toutes ces sociétés-là de big data, et qu'on est vraiment rentré dans une modernité, c'est-à-dire d'ingénierie sociale de très haut vol, qui échappe totalement, par exemple, au Front National. Le Front National, absolument, je suis bien placé pour savoir que c'est des artisans, c'est du bricolage total. Absolument. Et que même nous, on est plus performants, à la limite, les plus performants sur Internet, c'est nous, qui sommes une minuscule petite PME. Et on a, comme dirait Marine Le Pen, un parti de ringard qui est le Front National, avec des Louis Alliot aux commandes. Et puis sinon, les gens qui font le boulot, on a l'impression qu'on est dans Terminator, tu sais, les mecs qui sont sous terre, là, comme nous, et qui bricolons un petit peu avec de la technologie, mais on est face à l'empire. Matrix, hein. On est face à l'empire, oui. Et le big data, il va falloir vraiment travailler là-dessus, voir que derrière Macron, il y a eu un travail d'ingénierie sociale pratiquement scientifique pour arriver à cette victoire qui a été pratiquement même planifiée à la décimale près, avec des budgets, des ciblages, des micro-ciblages, etc. Je t'interromps là, parce que je vais donner deux cas. On a vu dans les Macron Leaks que le Boston Consulting Group a vraiment financé et aidé le mouvement En Marche. On a vu que la banque Merrill Lynch à New York a procédé à des levées de fonds, hein, toujours pour En Marche. En fait, je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses avec toutes les banques étrangères, en particulier américaines, qui ont financé le mouvement En Marche, et surtout le traitement des big data. Et là-dessus, j'ai un autre exemple qui confirme ces propos-là. C'était il y a à peu près deux jours, Facebook a été pris la main dans le sac en vendant un fichier big data de tous les adolescents fragiles. Alors, ils ont des moyens quand je dis ado, hein, c'est 9-13 ans ou 16 ans, et ils ont vendu le fichier des adolescents fragiles à des grosses multinationales pour qu'ils leur vendent des produits, parce que comme ils sont fragiles, ils peuvent acheter tout de suite. Hein, la gestion avec la campagne Macron est à comprendre comme ça. Ce qui veut dire que si on regarde bien, il y a la manière de faire de la politique comme nous, c'est-à-dire au doigt mouillé, à l'intuition et à la volonté, c'est-à-dire au lieu d'essayer de comprendre l'opinion, on essaye de la produire en réalité, de produire un discours de vérité. Et après, il y a coller à l'opinion. Il y a ceux qui ont les moyens de coller à l'opinion de manière scientifique avec d'énormes moyens, c'est le big data. Et puis on a le Front National qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un bricolage de doigts mouillés et un bricolage, tu sais, de sondages, mais on se croirait à l'IFOP en 1970, tu sais, avec des cartes perforées. Et je me demande si entre les deux, il y a encore un espace d'efficacité. Je crois que soit on est dans le big data complet et c'est le système, c'est l'empire, c'est d'énormes moyens. Absolument. Et c'est scientifique et ça donne cette espèce de robot qui est Macron avec des discours qui ne veulent rien dire, mais qui sont scientifiques scientifiquement pensé pour ne rien dire. Attends. Je pense que c'est pas du tout de l'incompétence. C'est au contraire de la très grande efficacité. Et puis sinon, on a nous qui sommes dans le volontarisme. Et puis on a... Non, mais j'essaie de finir mon raisonnement. Et sinon, on a le Front National qui, en étant entre les deux, n'est nulle part. C'est-à-dire qu'ils sont ni dans la vision, à la limite, à la Mélenchon. C'est-à-dire une vision avec un souffle où tu entraînes les gens. C'est-à-dire que tu les fais bouger. C'est-à-dire que tu n'essaies pas de leur ressembler. Tu essaies de leur montrer des modèles à suivre. C'est-à-dire que tu es réellement un modèle. Tu passes devant, c'est le pont d'Arcole. Soit tu fais ça aujourd'hui, soit tu es dans le big data et scientifiquement tu contrôles la connerie humaine à la décimale près. Mais dès lors que tu es entre les deux, c'est-à-dire à la fois vouloir être dans la dédiabolisation, ce qui est rentable avec le frère de Philippot qui file un peu des sondages, et en même temps essayer un peu de faire bouger les lignes, eh ben tu es dans l'échec certain. C'est ça que je veux dire. C'est tout le problème du politiquement incorrect correct et tout le problème de la, comment dirais-je, de proposer une alternative qui va plaire à la majorité sous contrôle de l'idéologie dominante. À un moment donné, soit tu es dans la radicalité, le projet, et je dirais presque la poésie, c'est-à-dire que la vraie politique au sens grec, soit tu es dans le big data, je pense qu'entre les deux, c'est le Front National, et c'est l'échec assuré, voilà. Et je pense qu'à limite, ER, le doigt mouillé, l'inspiration, et puis je dirais presque la colère et la volonté pure, ça a plus de... Et la poésie, le talent, ça, Dieu donné, etc., ça a plus de sens face à big data que le bricolage du Front National qui, effectivement, à la fin, quand on résume le programme des présidentielles, c'était l'euro sans l'euro, le franc sans le franc, ah ouais, non, là, le oui et le non, l'islam compatible, mais en même temps pas au Bourget, pas avec l'UOIF, c'était le sionisme, mais en même temps, en se faisant systématiquement traiter de nazi et en s'excusant finalement d'en être, et ben c'est cette idéologie bricolée-là ne vaut rien. Mais c'est la contradiction permanente. Voilà. Donc je dis, comme on peut pas nous être big data, il faut être maintenant dans réellement la politique révolutionnaire, je dirais, c'est-à-dire dans la faire bouger les lignes par l'inspiration, la volonté, la force même. Hein. Et pour reprendre mon slogan, il est certain que demain, le pouvoir ne passera pas par les urnes, il passera par les burnes. Donc, juste pour illustrer les propos d'Alain, parce que là, il y a deux points très, très, très importants. Le premier, c'est que dans le Macron, ou que je vais dire Wikileaks, Macron Leaks, il y a un dossier qui est sorti. Vous avez tous entendu parler des gens qui ont reçu des appels téléphoniques en disant allô, ici Emmanuel Macron, votez pour moi. Je vous la fais simple. Eh bien, dans le Macron Leaks, on a vu que on a le dossier complet qui a coûté pas cher, pas très cher, 240 000 euros. C'est la société, alors je me souviens plus du nom de la société, mais ça, ils ont passé grosso merdo 6 millions d'appels. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc ça, c'est pour... On retombe toujours sur les 6 millions. Hein. C'est pour illustrer, oui. Enfin, vous avez peut-être parlé avant, donc moi, ça m'échappe, mais vous m'expliquerez après. C'est ce chiffre magique de 6 millions, symbole de la domination. D'accord. 6. Oui, non, j'en étais pas encore là, moi. Pour l'instant, j'en suis à 6 tout court. Donc, ça illustre le big data, hein, c'est-à-dire que ils ont choisi 6 millions de personnes triées sur le volet, ça se trouve triées sur Facebook, hein, ou triées sur une catégorie vraiment très, très, très particulière. Je dirais même un peu sélectionné comme les adolescents fragiles, comme le fichier d'adolescents fragiles dont je parlais précédemment. Hein, c'est exactement ça. Donc c'est du triage. C'est du triage. C'est extrêmement bien vu. Et deuxième point pour revenir sur un point tout à l'heure, toujours dans le Macron Leaks, il y avait, on a un dossier absolument génial, c'est celui de l'espion de Macron qui était dans l'équipe de Fillon. Oui, oui. Ça c'est génial. Et qui lui transmettait tous les dossiers, toutes les conférences de Fillon, que Fillon allait le faire le lendemain ou le surlendemain. Ça c'est absolument génial, quoi. Donc c'est et on voit qu'en plus, on voit l'équipe d'En Marche qui traite les petits helpers, comme ils les appellent les crevards. Hein, donc, je salue tous les petits crevards de tous les. Il y a un mépris de classe. Il y a un mépris un de classe. Un cynisme inouï. Mais c'est au niveau de Macron. Hein, dans le Nord, c'est des pédophiles. En Bretagne, c'est des alcoolos. Les ouvriers, ils sont sales. Enfin bon, on va pas le refaire. Voilà, c'est ça qu'on a élu. Et c'est scientifiquement. Ça a été scientifiquement calculé. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est vrai que là. Le FN Et en face d'un... Soit il disparaît totalement, hein, c'est-à-dire que, parce que là, c'est vraiment à l'ancienne, hein, c'est à la papie, c'est-à-dire qu'en fait, on voit tous les... ils ont dans la tête un logiciel qui date d'il y a 20-25 ans, je dirais. Hein, à l'époque, des cartes... Je dirais pas les cartes perforées, mais des Vax et des IBM 360 de digital, quoi. Hein, c'est juste après la carte perforée. Et on n'a pas parlé de, comment dirais-je, de la tricherie, du bourrage d'urne, de tous les gens qui ont été radiés, des billets un peu déchirés. Il y a aussi toute cette dimension-là. Il y a plein de choses. Sur le premier tour, c'est scandaleux. Mais Xavier connaît un peu le sujet là sur le. Non, mais le vote est incontestable. Le nombre de votes est incontestable. Même avec la tricherie. Non, mais ils avaient les moyens en plus. Ils avaient. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont presque les moyens de dire notre objectif, c'est d'arriver à ce que je sais pas quoi, 65 machin, et que ce soir, ils vérifient avec les sociétés qu'ils ont payé, si ça a été conforme au contrat. Et peut-être même qu'il y a des primes. Des pourcentages. Je pense qu'on est très très loin de ce qu'on, naïvement, on pourrait croire d'une élection, présidentielle, comme elle se déroulait peut-être sous De Gaulle en 1965. Et je rappellerai qu'en 1965, il y avait déjà eu la stupéfaction de De Gaulle qui avait été mis en ballottage, et on avait découvert Dent Blanche, c'est-à-dire Le Canuet, qui est un peu l'ancêtre de Macron, c'est-à-dire l'effet dévastateur de la télé et de la bonne femme sur le sérieux du politique. Et en fait, on est peut-être d'ailleurs au bout le mouvement de Le Canuet s'appelait En Marche, hein, si mes souvenirs sont bons. Non, mais de toute façon, on est au bout de ce truc que De Gaulle a mis en place, comme une boîte de Pandore qu'il n'avait pas identifié, qui est l'élection présidentielle télévisée. C'est Kennedy, c'est le sourire de Kennedy, c'est tout ça. On avait eu Le Canuet. J'ai oublié de répondre à une question économique. C'est un peu Macron, hein. Parce que ça, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas là-dessus. Mon sentiment, au point de vue, là, je parle purement éco. On est bien d'accord. Mon sentiment, c'est que celui qui gagne cette présidentielle a perdu. Techniquement, il se retrouve avec 6 millions de chômeurs, 3 millions de mecs au RSA, hein, on va dire 10 millions de mecs dans la mouise en France, hein, vraiment jusqu'au cou. On se retrouve avec les États-Unis avec 20 trilliards ou je ne sais plus combien de dettes, enfin, c'est irremboursable. La Banque centrale qui est obligée de balancer 80 milliards, 100 milliards par mois de monnaie de singe euro juste pour soutenir, du moins pour faire semblant que les marchés l'évitent. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc techniquement, il est dans une impasse. Macron est dans une impasse totale. C'est pour ça qu'ils ont casté ce petit bonhomme employé de banque. C'est que c'est lui qui va aller au casse-pipe, tu sais, face aux travailleurs, face aux syndicats. Il peut finir avec... Regarde, déjà, il a pris des œufs sur la tête, etc. Il est évident que ce n'est pas les Rothschild qui vont y aller eux-mêmes, tu vois, c'est-à-dire les vrais puissants. C'est clair. Donc, il caste un mec qui est mégalomane et peut-être même encore un peu puceau. Et je pense qu'effectivement, on n'aimerait peut-être pas être à la place de Macron quand il va falloir, à un moment donné, se déplacer dans les... Ah, tiens, à propos de puceau, Puceau de la politique. Hein. Non, mais là, je parle cul. Sur les Macron Leaks, alors, il y a deux trucs très intéressants. Alors, à vous de vérifier, hein, de télécharger les 9 gigas de données, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est la boîte mail de Macron qui est abonnée à la newsletter d'un site qui vend des vêtements pour homo, c'est-à-dire slip troué à l'arrière, enfin bon, vous voyez le genre. très sexy au demeurant, hein, j'ai vu les images, je dis tiens, ouais, c'est pas éventuellement, hein, à offrir. offrir à vos amis choisis sur le volet, comme on dit. En marche arrière, voilà. Futur drapeau de la France. Et il y a alors un autre truc alors très très intéressant, alors à prendre avec des pincettes, si j'ose dire, c'est l'histoire de la commande de ces points sur qui est acheté via le navigateur Tor et payé avec des bitcoins. Le deep machin, oui, c'est la cocaïne là. Oui. Voilà, n'oublie pas d'acheter pour le boss le machin, etc. Alors ça c'est très très intéressant. Ça aussi, quand tu connais un peu le métier. Attends, c'est livré au nom du député socialiste Touré. C'est Touré, c'est ça. Voilà. Alors là c'est à prendre avec des pincettes ou même avec des lignes. Enfin, quand tu connais un petit peu le métier, que tu vois la bouche, c'est tout à fait extraordinaire. La bouche de Macron dans la deuxième partie du face-à-face avec Marine, la mousse blanche là, qu'il a sur la bouche, c'est dégueulasse d'ailleurs, il aurait dû y avoir quelqu'un qui lui fait signe. Ça, c'est typiquement un signe d'addiction. Ah, hein. Oui. Ah bah bien sûr, et quand tu as la mousse blanche qui te colle à la lèvre, aux commissures et en plein milieu, c'est soit que t'es sous-produit, c'est ça que ça veut dire, hein, bien sûr. Oui. D'accord, je sais pas, les professionnels apprécient. Je ne sais pas, mais c'est vrai que des gens qui sont sous médicaments, notamment qui prennent, vous savez, des trucs pour dormir, les trucs puissants, effectivement, toute la journée, ils ont des problèmes de salive à max. Voilà. Oui, de salive. Ça, c'est classique. Et donc, dans ces Macron Leaks, effectivement, ça peut jouer un rôle. Mais encore faut-il voir, puisque vous avez vu que la préfecture de police a ordonné immédiatement une enquête, elle a envoyé des mails à tous les possesseurs de sites, etc., en leur disant « si vous diffusez ces nouvelles, on va vous attaquer en justice ». L'avocat de Macron a également envoyé des mails à des sites en disant « si vous diffusez ces images, machin, on vous attaque en justice ». Enfin, moi, bref, je reviens à mon premier point de la censure, et je reviens tout de suite. Oui, tu reviens, c'est le totalitarisme, ça s'appelle. Le totalitarisme du parti unique. Et en termes économiques, là, je vous dis très sincèrement, je ne sais absolument pas comment il va faire. De toute façon, il ne peut rien faire. L'Europe est vouée à sa propre destruction, parce que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes du capitalisme. Je vais dire, le jeu Monopoly, on nous l'a tous montré. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un mec, au final, qui a tout gagné. Voilà. Hein, il a... voilà, c'était. N'oubliez c'est pas. Les hôtels rue de la paix. Le Monopoly, ça a été inventé par un professeur d'économie comme cours à ses étudiants pour montrer les méfaits du monopole. Hein, c'est à la base, c'est ça. C'est un cours d'économie. C'est pas du tout un jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on est dans cette situation absolument surréaliste, où les banques centrales déversent des centaines de milliards de monnaies de singe, et tout le monde sait comment ça va se terminer. Hein. Moi, je reviens toujours, parce que je suis très attaché... Ça fait depuis 2008 qu'on attend que ça tombe, et l'air de rien, ça tombe totalement. Attention. La grande différence entre 2009, hein, parce que 2008-2009, et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les banques centrales ne balançaient pas 80, 100 milliards, 200 milliards de monnaies de singe par mois. C'était éventuellement tous les 6 mois. Et bientôt, ça va être les 80 milliards, ça va être tous les 15 jours, puis ensuite, ça va être toutes les semaines et tous les jours. Ce qui veut bien dire que, la France est ingouvernable, que Macron ne peut rien faire. Ce qui veut dire quand même derrière qu'il peut y avoir derrière ce type très lisse qui ressemble à un steward de compagnie aérienne. Ah, il fait un très bon steward, chef oui, de mais bord, c'est pas ça. C'est que derrière, il peut y avoir l'État policier, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais il y a l'État policier, il y est là. Non, mais réellement, c'est-à-dire que ça sonne à ta porte et on t'emmène. Il commence. Tu vois, on t'emmène. Et que tu veux. Parce que ça moi, a par exemple. Hier. Oui. Enfin, moi, par exemple, j'ai déjà pris 3 mois de prison récemment, ferme. Hein. Je ne les ai pas encore faits, mais je les ai pris. Ça peut s'accélérer terriblement demain. C'est-à-dire, effectivement, des hôtesses. Parce que tu as vu maintenant que pour commenter la politique, même sur BFM, tu as des gamines de 28 ans en tailleur avec une jupe courte, etc. Enfin, on a vraiment cette dictature assez moderne où on a des hôtesses et des stewards, donc des gays et des jeunes filles avec des jolis prénoms. Gwendoline, etc. Et derrière, en fait, pour que tout le monde sourie, il y a la schlag. Il y a la schlag, c'est-à-dire il y a effectivement de la persécution déjà, fiscale, et puis de la menace de procès systématique avec d'énormes condamnations à la 17e chambre. Et ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à l'arrestation pour extrémisme, à la limite, tu sais. Il suffit de déclarer extrémiste tout ce qui n'est pas conforme à l'idéologie dominante, et de faire une loi pour lutter contre l'extrémisme, et tous les extrémistes sont envoyés en tôle, et ça nous fait penser quand même à ce qu'on dénonce dans l'URSS des années 60-70. Oui, c'est le génocide, c'est l'archipel du Goulag. Qui peut être à l'ordre du jour très vite, ce sont les mesures de sûreté. Parmi les mesures de sûreté, il y a l'internement administratif, par exemple. Bon, là, on en a parlé pour les fichiers S, mais c'est valable pour toute une catégorie de population, d'intellectuels, etc. S'ils représentent un danger, on n'hésitera pas à les interner. Hein. Il l'a dit d'ailleurs, Macron, il a dit qu'il s'occuperait, je crois, sur Internet de tous les sites qui appellent à l'extrémisme, alors à la haine. Alors les gens pensent à l'islam radical, mais en fait, je pense que c'est plus à nous qui pensent. Hein. Ouais. Bien sûr. Et c'est inéluctable, d'ailleurs, ce procès. D'ailleurs, Kepel a bien montré la congruence. La congruence, il l'a montré. Il a montré la congruence. C'est-à-dire que nous et l'islam radical, ça serait la même chose. Cette marche à l'État policier est inéluctable. Si on considère la comparaison, par exemple, entre Sarkozy et le régime Hollande. Sarkozy, c'est l'attaque de la Libye, Pulus, ici, Mera. Mais regardez, Hollande, c'est Bataclan, Charlie Hebdo, oui. Les terrasses, une hypercachère à Nice. Et vous multipliez ça par un État policier. L'État d'urgence, c'est quoi ? C'est l'État policier. Et vous avez... Donc, si on a ce processus d'approfondissement, quand on sait quelle est la feuille de route... si vous permettez, je vous donne la feuille de route de Macron... Le PDG d'Airbus, Tom Enders, lui a dit, parce qu'il le tutoie, « Je ne doute pas de ta volonté, de ta détermination à mener les réformes économiques. » Réformes économiques, vous savez ce que ça veut dire. Hein. qui s'impose, dit-il. Et le journal financier Les Échos a donné un article signé par une douzaine de patrons, dont Michelin, Leclerc, Veolia, tout ça, qui lui disent « Est-ce que tu iras aussi loin qu'il le dit ?» Et il a répondu « Oui ». J'irai aussi loin que vous le dites. Le code du travail, c'est qu'un début. J'irai jusqu'au bout et je le ferai par ordonnance. A-t-il les moyens d'une telle politique actuellement? Vous le dites, c'est un pitre. Il ne l'a pas. Or, inéluctablement, pour faire passer cette politique qui est dictée par le MEDEF, qui est dictée par ses bailleurs l'Europe de fonds, aussi. Par l'Europe, oui. Bien sûr, c'est l'État policier. Mais là, on va même trouver que l'époque Hollande sera rigolo. Je vous affirme que Macron, c'est le fascisme. Le vrai, celui-là. Donc, on s'enfonce dans l'État policier pour cacher la crise. Bah, c'est un État policier. En fait, ça me rappelle typiquement... Je renvoie sur un livre que vous avez publié, d'ailleurs. Ce sont les mémoires de Chartres. Halmar Chartres, qui décrit très bien la situation. On est exactement dans la même situation. C'est-à-dire, d'une part, une situation économique ingérable, techniquement, et avec un État policier. Ça annonce. Et c'est quelque chose qui se présente très mal, parce que aujourd'hui, le pouvoir est à Bruxelles. Il n'est même pas en France ou à Berlin. C'est ça qu'il faut voir. Donc, et nous sommes donc bien la dissidence au sens soviétique du terme. Hein ? Ah oui, clairement. Hein ? Ah non, mais clairement, là, on est rentré en... C'est Solzhenitsyn, c'était techniquement, c'est Alexandre Solzhenitsyn qui avait été interdit, son archipel du Goulag, qui avait été interdit de publication aussi bien en URSS, ouais. et qui a été sorti en cachette 2 ans ou 3 ans plus tard après l'écriture, et qui a été publié la première fois en France, je le rappelle. Mais bon, il y a quand même Louis Alliot qui va nous défendre. Oh, vous êtes méchant avec Alliot quand même. Oh. Vous savez, franchement, il y a des ennemis bien pires en ce moment que Louis Alliot. Ah, je suis pas d'accord. Non, il m'a craché à la gueule il y a 2 jours. Il se vante de faire condamner Nolo et Zemmour. Il m'a craché à la gueule en se vantant de m'avoir fait condamner. Et Zemmour aussi, je crois pas. Non, pas Zemmour. Non, Zemmour, à la limite, ça serait presque normal. Non. Je veux dire que Louis Alliot, qui est quand même le crétin absolu du Front National, et qui rappelle chaque fois qu'il peut qu'il est un quart de juif, comme si ça allait apporter quelque chose au Front National en termes de vote, n'a rien trouvé de mieux. Il y a 2-3 jours, avec tout le boulot que je fais pour essayer d'amener les votes qui manquent à Marine et qui lui manqueront définitivement maintenant, en disant qu'il s'était réjoui de m'avoir fait condamner, lui, par la justice, Louis Alliot. C'est-à-dire que le rôle du numéro 2 du Front National, c'est de faire condamner Alain Soral. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il cherche, un blanc-seing. Une honorabilité. Donc il cherche surtout pas à gagner. Bon, c'est un peu petit, je trouve ça, au fond. Non, mais il y a des gens qui se posent la question. Il y a des gens qui se sont posé la question tellement Marine avait été mauvaise au débat, c'est est-ce qu'elle ne l'a pas fait exprès? Il y a des gens qui m'ont dit ça, parce qu'en fait, elle ne veut pas le pouvoir et qu'elle avait très peur de gagner. Alors je dis, il faut quand même pas exagérer. Mais il y a des gens qui se posent cette question quand même. Il y a quand même des gens au Front National, notamment Louis Alliot. On voit bien que son rêve, comme il n'est pas assez intelligent et il serait terrifié par une prise de pouvoir, c'est d'être dans une logique, tu sais, d'alliance avec la droite traditionnelle, tu sais, de petites combines locales, et qu'en fait, lui, sa vision du Front National, c'est de servir de force d'appui point contre petite rétribution locale dans les élections gauche-droite classiques. Il veut jamais sortir de ce logiciel, il est tout fier d'être de droite, il sait même pas ce que ça veut dire. Et il y a quand même, je pense, plein de gens au Front National, pendant que certains se battent à mort pour essayer de prendre le pouvoir avec tous les risques que ça comporte, il y en a d'autres qui font tout pour que ça n'arrive pas, en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de gérer et que ça serait à eux d'assumer la catastrophe que va assurer Macron, et qu'eux, ils sont dans des petites logiques de combination locale pour savoir à quel moment on échange des voix entre la droite, traditionnelle, et ce qui eux-mêmes revendiquent comme l'extrême droite. Voilà. Alain, franchement, je le dis très sincèrement à vous tous, là. J'aimerais pas être à la place de Macron. ni même de Marine Le Pen, eût-elle gagné. Parce que vu les problèmes économiques qui vont se présenter et qui vont être colossaux, je peux vous assurer que dans les deux cas, Mélenchon va montrer les crocs. Il va être absolument... Il a demandé à être ministre. Oui, il le sera dans un gouvernement de cohabitation dans un certain temps. Oui. Il commence Il a commencé à faire du pied. Moi, je crois qu'il se les lime un peu. Non, mais il sera le Tsipras. Oui, il a dit je suis prêt à assumer. Comme Tsipras, oui. Oui, il sera le salut du système dans une cohabitation. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Il vient de cracher à la gueule du Parti communiste, quand même, là, Mélenchon. Oui, enfin bon, c'était gagné. Le Parti communiste s'était craché à la gueule de lui-même, entre Laurent et Robert Hue. Il montre son vrai visage, Mélenchon. Vincent Lapierre. Oui, malgré tout, il y a une note d'espoir, c'est que l'abstention est très haute. C'est la plus haute depuis... Très haute. Alors, quels sont les chiffres? 3,3%. Ah, c'est pas énorme. C'est énorme. 3 points de plus qu'au premier tour. 11 points c'est pas plus qu'en 81. Et on a 12% de vote franchement, nul et vote blanc. Donc, en réalité, malgré tout, Macron arrive au pouvoir sans être adoubé par le peuple. Réellement. Réellement, en fait, il n'a pas le pouvoir. Oui, mais même les images, ça fait penser, tu sais, quand on déboulonne Saddam Hussein ou quand on fait croire qu'il y a une révolution en Libye, on est quand même tout ça dans la... c'est du show télévisé, mais c'est au moins, de la construction. Il y a la pièce du peuple. Non, mais il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien, puisque là, le carré du Louvre, là, c'est parce que c'est un espace très petit, oui. Parce qu'ils n'ont pas fait la place de la Concorde, ni même la Bastille, tu vois ce que je veux dire. Donc on est quand même aussi dans une illusion qu'il y aurait un soutien massif. En fait, il y a un braquage qui a été fait par beaucoup d'argent et du big data, il y a une espèce de coup d'État subtil et bien organisé. En fait, ça s'appelle la démocratie qui arrive au bout de sa logique, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent par l'opinion. Mais il ne faut pas rêver, il n'y a pas d'adhésion populaire, il n'y a pas vraiment de majorité. Si on additionne le Front National plus les petits partis, plus Mélenchon, le non au système euromondialiste est en réalité majoritaire, mais bien sûr divisé. Et évidemment, le système, là où est sa force, c'était le même principe que l'arc républicain, c'est de l'arc républicain auto-républicain. C'est que Mélenchon et Marine devraient s'associer dans un comité national de la résistance pour s'opposer au système. Or, c'est impossible au nom de l'antifascisme, au nom de tout ce que valide, à la limite, un type comme Mélenchon. Parce que la seule alternative, c'est ça. Ça serait que les opposants au système s'unissent. Et ça, c'est arrivé une fois en France, c'est sous l'occupation allemande, par la mort de Jean Moulin et la volonté du général de Gaulle. J'étais pas là au début, pardon, mais peut-être que tu as abordé le sujet. C'est quoi ton opinion sur la déclaration de Marine comme quoi elle veut changer le parti là, Oui, bah, c'est ce qu'on a dit au début, c'est qu'aujourd'hui, un Front National avec quelqu'un à sa tête qui s'appelle Le Pen, le maximum qu'il peut faire du maximum, c'est 35. Donc maintenant, je te signale qu'elle a déjà fait la campagne en s'appelant Marine. Il n'y avait pas Front National, il n'y avait pas son nom. Donc quand tu es obligé de cacher ton nom pour te présenter et de cacher d'où tu viens, ça veut dire que tu as accepté la diabolisation en réalité et que tu arrives toi-même avec les cornes du diable sur la tête, tu vois, en essayant de cacher ta queue, tu sais, dans ta poche, tu vois. Donc évidemment, Marine, elle est dans une espèce de contradiction, c'est qu'il va falloir effectivement dédiaboliser jusqu'au bout le Front National. Pour ça, il faut que ce soit plus le Front National et que ce soit plus les Le Pen. C'est ce qu'on a dit au début, hein. Parce que sinon, ça ne dépassera jamais 35. Et de toute façon, ça va péter au front, là, je le dis forcément. Et ça, il va y avoir des colères, il va y avoir comme il n'y a pas de doctrine, comme il n'y a pas de doctrine au Front National et que la nièce ne pense pas la même chose que Philippot, que Marine ne pense pas, on l'a remarqué la semaine dernière, et que Collard, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, etc. T'imagines bien que là, avec cette défaite à laquelle va succéder l'énorme défaite des législatives, puisque la manière dont c'est verrouillé, ils vont se retrouver avec 25 députés, ce qui va leur servir à rien. Je suis même pas sûr que ça fait un groupe, 25. Hein. Et ben derrière, ça va être la nuit des longs couteaux au Front National. Et la vérité, elle est là, c'est que le Front National des Le Pen ne prendra jamais le pouvoir. Voilà. Hein. Et qu'à la limite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mecs qui peuvent aujourd'hui revendiquer quelque chose de l'opposition, c'est un type comme Dupont-Aignan parce qu'il a pas de casserole, c'est un gaulliste, et un Mélenchon parce qu'il arrive en portant un projet, et il a une dialectique, et il a derrière lui les ouvriers qui va commencer à repiquer au Front National, puisqu'il a compris le discours qu'il fallait tenir, et les jeunes, n'oubliez pas que le Front National était le parti des jeunes, c'est moins le cas. Maintenant, ça devient Mélenchon. Et Mélenchon, derrière, il y a de la philo. Il y a pas on est chez nous et des beaufs avec la madone des beaufs. Il y a quand même de la philosophie, de l'esprit, du talent et de la couille. C'est un homme. Mélenchon, ça change tout, tu vois. Et moi, je suis désolé, mais si on veut mener un combat de résistance demain, je ne sais pas. On a quand même été des godillots du Front National qui nous ont toujours quand même craché à la gueule, comme à la gueule de Dieudonné. Je salue Dieudonné qui a appelé officiellement à voter Marine, alors que Marine lui a toujours craché à la gueule, et sans compter Alliot, etc. Tu vois. Quand tu vois que le Front National s'aliène des personnalités comme Dieudonné et comme moi, qui avons une popularité dont tu peux témoigner, non ? Hein, chaque fois qu'on se balade dans la rue ou qu'on prend un taxi, eh ben ils ont préféré s'aliéner des gens comme nous pour essayer de complaire à quoi ? Au CRIF, à Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils ont eu le soutien d'un mec d'extrême droite du Likoud qui a dit qu'il soutenait Marine Le Pen et le soutien de Hulkan, je crois. Il faut rappeler. Pour le reste, ils se sont pris entièrement tout le sionisme, pour ne pas dire un autre mot, dans la gueule. Donc quand tu déclares la guerre aux musulmans de France, de façon délirante, et que tu fais allégeance totalement au sionisme, alors qu'on te traite de parti nazi, et que toi-même tu vires ton père, donc tu acceptes que de dire que c'est un parti nazi, alors que je crois que Jean-Marie Le Pen avait 9 ans pendant la guerre, tu vois, c'est que de toute façon, t'es une véritable machine à perdre, tu vois. Alors soit il y a des gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques, l'incompétence, car tout le monde a bien dit que Philippot aurait été bien meilleur face à Macron que Marine, et or, le numéro 1 du parti n'est pas le plus intelligent, n'est pas le meilleur au niveau de l'élocution, et c'est même pas lui qui porte l'idéologie, parce qu'en réalité, l'idéologue du front, c'est, comment dirais-je, c'est Philippot, hein, et qui ne contrôle pas l'aile droite qui est la petite nièce, qui a sans doute un avenir, mais quel avenir, et on voit pas aussi ce que Collard fait là, qui est collé à Marine, alors qu'il est même pas au front. Hein. Le mouvement Marine, Bleu Marine. C'est de la merde, tout ça, c'est zéro, c'est pot de balle, avec l'espèce de rose bleue sans épines qui ressemblait à un balai de chiottes. Enfin, je veux dire, on est, là, aujourd'hui, ça, je suis on peut faire le bilan. Dans le genre symbole, on pouvait trouver une, quand même. Donc, on est quand même dans un truc, c'est vrai. On est arrivé à la limite et au maximum, et là, de toute façon, il n'y a pas de... tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Il y a effectivement, comme l'a dit Marine, il va falloir changer des tas de choses, mais en fait, ce qu'il va falloir changer, c'est elle, en réalité, et tout ce qu'elle représente. Messieurs, on va conclure. Je vais vous donner la parole à tour de rôle pour un petit mot de conclusion. Monsieur Viguet, un petit mot de conclusion pour RFM en direct. Voilà, ne perdez pas espoir et continuez à travailler, à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe. Vincent Lapierre. Oui, ben, je rejoins totalement Damien Viguet. Je crois qu'on a bien vu que là, la France va mourir d'ignorance. C'est ce qu'on voit dans mes reportages, Jovanovic, je ne sais pas si vous les avez vus. Les électeurs de Macron se caractérisent par leurs conneries, leurs bêtises. Mais ceux qui sont derrière Macron savent très bien ce qu'ils font, et eux sont tous sauf bêtes. Hein. Voilà. Hein, parce que Julien Drey, c'est ce qu'il fait. Minc, c'est ce qu'il fait. C'est important de respecter. Attali, c'est ce qu'il fait. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a ça. Hein. Ouais, il y a des intelligences, des spécialistes de la domination et de la manipulation. Monsieur, donc nous, notre rôle à égalité et réconciliation et donc contre-culture. Ben, et d'autant plus important, je crois, hein, c'est que effectivement, ramener les gens à la lecture, ramener les gens à la conscience et à la compréhension de ce qui se passe en France et dans le monde. Donc, on a du boulot et c'est la note positive de ce soir. Du boulot dans la France. Et je rappellerai que le gang qui est derrière Macron, si on redit les noms, Julien Drey, Drahi, Attali, BHL, c'est pas le Bourget et l'UOIF. Hein, voilà. Et j'attends que Marine les nomme, ses ennemis. Ses ennemis de la France et ses ennemis de ce qu'elle essaye de représenter, et ses ennemis qui lui font la peau et qu'elle embrasse comme le pape François embrasse les bagouses des maîtres du monde à Yad Vashem. Félix, un mot de conclusion pour ORFM. La plus mauvaise nouvelle de la soirée, pour moi, c'est ce que vient de dire Vincent. 25% d'abstention, c'est lamentable. Quand on songe qu'il y en avait 21 au premier tour, 25, c'est ridicule. Il y aurait dû en avoir au moins 30 pour que nous soyons en ce moment contents. J'ai pris mon stylo, j'ai calculé. Sur 48 millions d'électeurs, 25% d'abstention, ça fait 12 millions qui ne sont pas allés voter. 16 qui ont voté pour Marine, 16 millions, et 30 qui ont voté pour Macron. Donc c'est une défaite impitoyable. On ne peut pas dire que le mot d'ordre d'abstention de Mélenchon et de l'extrême gauche, le nini, a marché. Les travailleurs qui sont fait baiser par Martinez, qui sont fait baiser par Valls et le 49-3, n'ont pas massivement, ne sont pas allés voter. Beaucoup sont allés voter Macron. Xavier. C'est la vérité. Bah, que dire pour conclure cette soirée un peu déprimante ? Oui, bah, qu'on aurait tort de penser que Macron est un personnage un peu ridicule, avec quelques... comme ça, des personnages facilement déstabilisables. Derrière, il y a une vraie opération d'un État qui n'est pas seulement policier, je le redis, qui est aussi un État mafieux. Et je pense qu'on s'apprête à vivre des choses assez compliquées. Et je ne suis pas sûr que ça puisse durer 5 ans. Je pense que la confrontation radicale va arriver plus vite que ce qu'on pense. Pierre Jovanovic. Là, je vais reprendre quelque chose qui ne lui appartient pas, hein, ça va de soi. Je pense à la ministre de l'Éducation nationale, Madame Belkacem. L'avenir a plus d'imagination que nous. Dieu a beaucoup plus d'imagination que nous. Hein, et les anges en particulier ont plus d'imagination que nous. Donc je pense que les mois qui vont venir risquent d'être assez hauts en couleur, c'est le cas de le dire. Donc il ne faut surtout pas abandonner, parce que là, je pense que les forces qui sont en présence sont tellement violentes qu'il y en a une à un moment donné qui va détruire, casser toutes les autres. Voilà. Alain Soral, bienvenue dans cette France postmoderne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bah là, je crois que j'en ai dit pas mal. Hein. Nous allons vers effectivement des temps futurs assez chaotiques. Je pense que la France est ingérable. Je pense que le pouvoir, par contre, oligarchique français est sans doute un des mieux structurés, des plus puissants, des plus pervers et des plus violents du monde. Je pense que la France est un enjeu majeur. Hein. Il ne fallait pas que l'oligarchie mondialiste perde notamment la voix au Conseil de sécurité, par exemple. N'oubliez pas que Russie plus Chine plus France, si c'était basculé de l'autre côté, ça changeait aussi pas mal de projets des néoconservateurs, des projets de guerre, etc. Et puis, dernière remarque, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump, Marine, c'est un peu comme le PSG, hein, elle s'est fait sortir, elle s'est fait sortir prématurément de la compétition, et je crois vraiment que il va falloir repenser radicalement ce qu'on appelle l'opposition au système en France, et sur le plan du courage idéologique, et sur le plan de ses représentants. Moi, je le dis, j'ai marché de façon très, très, très disciplinée derrière Marine, car c'était la candidate la mieux placée. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais, parce que finalement, on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro. Leur argumentaire n'était pas totalement faux, même si, effectivement, Asselineau n'a aucun avenir politique. Et je le dis, aujourd'hui, j'ouvre ma gueule, et je pense qu'il va falloir l'ouvrir. Il y a un combat de résistance et d'insoumission à mener en France, et le Front National ne peut pas nous permettre de le mener, car il est dans le politiquement incorrect correct, il a un pied dedans, un pied dehors, et avec ça, on n'arrive nulle part. Je finirai par une citation de Saint-Just, « Celui qui ne fait sa révolution qu'à moitié creuse son propre tombeau. » Voilà. Ouais, tout à fait. Le combat continue, chers auditeurs. Nous étions et vous étiez en direct sur ERFM. Merci de nous avoir suivis. La radio de la résistance. La radio de la résistance. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. À bientôt. Et on écoute Siren, Metallic Forest. Son album est disponible sur contreculture.com.